c'est laisser les portes ouvertes pour pouvoir respirer. Je vous prie de m'excuser, je ne suis pas responsable de l'administration de cette grande maison. Ce cours est en plus offert également aux étudiants de l'IEX. Je sais que l'IEX m'a fourni la liste des étudiants, il y a 110 étudiants rien que pour l'IEX. L'année passée, on était 200. À mon avis, cette année, on va être encore plus nombreux. Je vous promets d'avoir beaucoup de plaisir. Plus on est nombreux, plus on est fous, plus on s'amuse. Alors, je vais me présenter dans un instant, mais quand même, je voudrais savoir. Y a-t-il des étudiants de l'IEX ? Sont-ils là ? Oui. Merci. Y a-t-il des étudiants du master en information et communication de l'ULB ? Alors, en principe, vous ne devez lever la main qu'une fois. Vous ne pouvez pas être à deux endroits en même temps. Y a-t-il des étudiants du master en gestion culturelle ? Oui. Y a-t-il des étudiants du master en gestion tourisme ? Ok, c'est ceux à qui j'ai répondu. Y a-t-il des étudiants en STIC ? Y a-t-il des étudiants en communication multilingue ? Ah, il y en a beaucoup plus que l'année passée. Ok. Vous avez écrit bienvenue à tout le monde. Y a-t-il des étudiants que je n'ai pas cités encore ? D'études que je n'aurais pas citées ? Non ? Levez la main s'il y en a qui n'ont pas dû le lever. Non, tout le monde s'est trouvé dans les listes que j'ai données. Ok. Très bien. Bon, désolé. J'espère que prochainement on pourra résoudre le problème. Déjà, je vais d'emblée vous annoncer la couleur. Un vendredi sur deux, on sera sur le campus du Solvol. L'autre vendredi, nous serons sur le campus de l'IEX. Il va falloir se mettre les portes après le cours de gestion culturelle. Si vous prenez le train pour rentrer en province, ce sera bien quand vous serez à l'IEX parce que vous serez à deux pas de la gare centrale. Vous pourrez attraper votre train beaucoup plus vite. Vous montez, le cours commence à 16h au lieu de 17h et s'arrêtera donc à 19h au lieu de 20h. C'est quand même un progrès. C'est 3 heures de cours. Alors, j'espère qu'il y a un syllabus au moins, parce que sinon ça va être. Ça pose des problèmes. Est-ce qu'il y a déjà des questions, des problèmes par rapport à ce que j'ai dit, mademoiselle? Vous avez cours à l'ULB jusqu'à 16h. C'est un cours qui a été mis au programme par notre administration de l'IEX et de l'ULB. Il n'est pas choisi. Non pas que je ne veux pas les étudiants de l'IEX, mon fils a fait l'IEX, donc il n'y a pas de problème. Et j'ai déjà eu les étudiants de l'IEX l'année dernière, tout s'est très bien passé. Mais bon, je trouvais que c'était correct de faire moitié-moitié. Alors, une fois sur deux, c'est quel cours vous avez ? Et vous êtes en communication ? Et c'est le cours de qui ? De Madame Chemlot. En anglais, on demandera de les passer en anglais. C'est peu obligatoire. Ah ouais. Ouais, juste, c'est les séminaires. Et ça ne fait que descendre pour aller à l'IEX. Donc, pas de problème. D'autres questions ? Oui ? Il n'y a pas moyen de déplacer ? Bon, alors, voyons également pratique. Ce cours est un cours qui reprend, qui fonctionne sous le mnémonique comme B420. Pour ceux de certaines sections, certains masters qui ont le comme B421 Élise Mas, ce n'est plus Élise Mas qui donne le cours, je redonne le cours à tout le monde. Si que l'année passée, les petits masters ne représentaient que 12 étudiants. Il avait pris un professeur pour 12 étudiants et moi j'en avais 200 et quelques. Donc on s'est dit que cette année, je donnerai cours aux 220, 30, 40 ou 50, hein, puisque il paraît que maintenant c'est comme ça. Et par contre, à l'examen, je ne peux pas vous interroger tous en face-to-face, ça c'est pas possible, donc on sera deux. Ma collègue Élise Mas participera avec moi aux examens. Une demi-heure par groupe de deux ou trois étudiants, au nombre où vous êtes, ça me ferait quasiment toute la session, donc je ne peux pas. C'est également un cours qui est composé d'exercices obligatoires, donc je le dis d'emblée. On ne prend pas les présences, on est à l'université. Par contre, on prend les notes. Vous êtes notés pour vos exercices. Donc, ce n'est pas des exercices qu'on fait sur place. Donc, si vous ne faites pas l'exercice, c'est zéro. Il y a 3 exercices sur 60. Si vous en ratez 3, c'est 0 sur 60. La note des exercices compte pour 40% de la note finale de l'examen. Donc je vous dis tout de suite, si vous ratez les exercices, ce sera très difficile d'avoir la moyenne. Et les exercices ne se passent pas en deuxième session, comme les laboratoires en médecine, comme d'autres choses. Les exercices, c'est un one-shot. Donc pas d'alternative, pas de possibilité de se rattraper sur des exercices qu'on ferait en deuxième session. Il n'y a pas d'exercice en deuxième session. Ça va ? Donc, la deuxième session ne porte que sur 60% de la note finale. Ça va ? Est-ce que c'est déjà clair pour tout le monde ou il y a des questions ? Oui ? C'est un examen oral. On a largement le temps de revenir. Mais donc, tant les travaux que l'examen. L'examen, c'est un travail à préparer, à me remettre sous forme écrite pour le premier jour de la session à une certaine heure. Et on reviendra sur la précision des jours et des heures. Je vous expliquerai pourquoi et vous comprendrez mieux pourquoi. Et ensuite, vous prendrez un rendez-vous pour passer l'examen et venir présenter professionnellement, comme dans la vie professionnelle, vous viendrez présenter votre plan de communication et vous serez évalué sur la présentation du plan et le travail écrit. Oui ? Alors les exercices, il n'y a pas encore de date, ce sera 3 fois. Il y aura une session en octobre, une session en novembre et une session d'exercice en décembre. Ça signifie quoi la session ? C'est simplement mon assistant Bruno Deblande qui viendra lors de la troisième heure d'un des cours d'octobre, d'un des cours de novembre et d'un des cours de décembre. Il viendra présenter le travail et il viendra vous exposer ce qu'il attend de vous, que vous réaliserez et que vous devrez lui remettre à une certaine date et à une certaine heure précise. Vous serez évalué et ces travaux seront en groupe aussi. Alors, je répète aussi tout de suite pour que les choses soient claires, mais tout ça va être sur un bloc, donc ne vous tracassez pas, tout ça va être confirmé. Il y a un bloc pour le cours. Je n'ai pas encore eu l'occasion de le mettre à jour, donc sur le blog, vous trouverez encore à ce stade-ci toutes les informations de la deuxième session. Mais donc, toutes les infos seront bien détaillées, les jours, les heures, tout est précis, ne vous tracassez pas. Mais en gros, vous devez être pour les exercices en groupe de 2 ou de 3, et le groupe se compose de votre choix. Donc, vous choisissez le groupe que vous voulez. Alors, je répète, maximum 3, minimum 2. Ça signifie que c'est des groupes de 2 ou de 3. Ça va ? Non, mais précise, parce que chaque année, il y a des gens... Et si je suis seul, est-ce que je fais un groupe de 2 ? Non, si vous êtes seul, vous ne faites pas un groupe de 2. Et si on est 4, est-ce qu'on fait un groupe de 3 ? Non, vous n'êtes pas un groupe de 3, vous êtes 4. OK ? Par contre, cette année, de nouveau, avec l'expérience, on évolue. Par contre, pour l'examen, je ne veux pas les mêmes groupes que pour les exercices. Et nouveauté, j'impose qu'il y ait au minimum un étudiant ULB ou un étudiant IEX dans chaque groupe. Parce que dans la vie professionnelle, mesdames, messieurs, vous n'allez pas travailler toute votre vie avec vos copains. Et vous allez devoir à vous habituer à travailler avec des gens que vous ne connaissez pas. j'ai déjà mal au dos. C'est ça la réalité. Ok. Bon, on reviendra sur tout ça. Je vais me présenter si vous voulez. Bien. Non, ça va. Je traverse le conseil. Ouais, c'est plus simple. Alors, on essaie d'être un petit peu calme. Alors, quelques petits traits d'abord aussi. Je suis très relax et très détendu. J'ai une grande gueule, donc ma voix porte sans micro. Mais les brouhahs, les gens qui suivent des vidéos sur leur Apple, vous pouvez le faire dans une salle de lecture, une bibliothèque, dans un bistrot, n'importe où. Je préfère. Donc quand on vient ici, on vient pour écouter, pour s'intéresser, pour participer dans la mesure du possible. Si vous avez autre chose, envie de faire autre chose ensemble, vous êtes des grands. Il n'y a aucune obligation, je ne prends pas de présence. Vous imaginez qu'au niveau du nombre où vous êtes en master, je suis incapable de mémoriser vos têtes. Et donc, que vous soyez là ou pas là, ça m'est totalement égal. C'est votre problème. Mais même si j'ai une grande gueule et que je parle fort, j'ai quand même envie un minimum de respect pour celui qui parle devant vous. Ça va ? Ok. Donc, mon nom est Philippe Massard, j'ai 59 ans. Je suis licencié en sciences sociales, option sociologie appliquée de cette université. Mais je suis tombé en communication comme Obélix dans la potion magique. Moi, je suis tombé dedans quand j'étais petit, parce que mon père était dans ce métier-là, que quelque part, par la suite, c'est quand je suis sorti de l'UNIF, ben, sans le savoir, je suis parti dans cette voie-là aussi, sans vraiment m'en rendre compte, puisqu'à l'époque, je voulais plutôt être anthropologue, quelque part, au fin fond des forêts d'Amazonie. Ça m'a changé, donc vous voyez. Et donc, j'ai fait toute ma carrière dans la communication, dans les organisations, et donc, je donne ce cours de communication corporelle. Je ne suis pas professeur, je suis chargé, maître de conférence, exactement. Ça veut dire que je n'ai pas fait de doctorat. Je ne suis pas docteur en sciences de la communication, ni quoi que ce soit. Par contre, j'ai 35 ans de pratique professionnelle. Et donc, peut-être que pour vous, ce n'est pas le premier, mais pour certains d'entre vous, ce sera le premier prof qui n'est pas un académique, mais qui est un professionnel. Et donc, ce que je vais faire avec vous, ce n'est pas venir vous enseigner ni ma théorie, ni mon modèle, ni quoi que ce soit. Je vais partager avec vous 35 ans d'expérience professionnelle en essayant de vous faire prendre conscience de ce qu'est la réalité de la communication. Je ne suis pas un spécialiste de la communication digitale, même si là où je travaille, on fait de la com digitale et mes équipes en font et je sais ce qu'ils font. Mais je reste encore convaincu que digital ou pas digital, communication totale ou globale, tout ce qu'on peut lire dans les théories, il y a beaucoup d'auteurs et ils sont très inventifs. Quand on lit tous ces ouvrages, ils ont tous une vision, mais quelque part, les fondements de tout ce qu'ils disent dans leurs ouvrages, dans leurs articles, reposent sur les mêmes fondements. Et c'est ces fondements-là que je vais essayer de partager avec vous. Ces fondements pratiques de la communication, tels que mis en œuvre dans les organisations où on pratique de la communication. Et avec mon collègue assistant Bruno De Blande, qui est directeur de la communication sortant de la FTBF, il était le directeur, le porte-parole et le directeur de la communication de la FTBF, et il rentrera en fonction dans quelques jours comme directeur de la communication de Solidaris, qui est la société des mutuelles qui regroupe les mutuelles socialistes en Belgique. Moi, par contre, j'ai fait toute ma carrière à peu près dans le secteur, à peu près, pas la totalité, mais quand même dans la communication du secteur de l'énergie. J'ai fait la communication nucléaire, j'ai fait de la communication sur les lignes haute tension, j'ai fait de la communication interne, de la communication financière, j'ai fait de la communication sociale. Et aujourd'hui, je suis directeur de la communication d'une entreprise de services publics ici en région Bruxelles. Donc voilà, ça c'est pour un peu vous expliquer. J'enseigne à l'université depuis 2003. Donc j'ai vu beaucoup de groupes d'étudiants passer et pas mal de mes étudiants travaillent aujourd'hui dans le secteur de la communication à gauche ou à droite et j'en suis bien heureux. Et donc, pas de panique, si vous assistez au cours, si vous écoutez, si vous faites fonctionner vos méninges, si vous êtes capable de profiter de ce que je vais vous partager avec vous, vous ne devriez pas avoir de problème fondamental avec ce cours. Donc, ça, c'est une chose. Est-ce que vous avez déjà sur cette présentation des questions? Vous voulez en savoir plus? N'hésitez pas. Parce que j'aimerais bien que vous participiez aussi. N'hésitez pas. Le but est que vous participiez. D'ailleurs, je vous préviens aussi, je m'amuse. C'est un petit plaisir depuis 16 ans. Je m'amuse à certains moments à dire des conneries. Mais des conneries monstrueuses. Et de voir que souvent les auditoires ne bronchent pas et ne réagissent pas. Et que vous buvez ma connerie comme si c'était un enseignement. Hein? Alors, non, s'il vous plaît, par pitié, si vous ne comprenez pas, si j'utilise un mot qui n'est pas clair, levez la main et on en parle et il n'y a pas honte à ça. Même moi, aujourd'hui encore, je suis confronté parfois dans ma vie professionnelle à des terminologies, à des situations qui sont complexes. Et d'ailleurs, vous expliquer en quoi les communicateurs sont confrontés au complexe. Et combien il faut apprendre à gérer le complexe. Donc n'hésitez pas à intervenir, à lever la main. Parce qu'évidemment, le jour où je dis une connerie et qu'elle passe, je m'amuse après à poser une question. Et à demander, tiens, vous ne m'avez rien dit, tiens, vous allez m'expliquer ce que j'ai dit là tout à l'heure. Donc je préfère que vous me posiez les questions. C'est beaucoup plus amusant, c'est beaucoup plus agréable, et ça me permet de voir un petit peu comment ça se passe pour vous. Ça va ? Est-ce qu'il y a des étudiants Erasmus ? Oui ? Beaucoup. Seulement ? Pas plus ? 3, 4, 5 ? Oui ? Alors, les étudiants Erasmus, vous êtes des étudiants en communication ? Journalisme. Journalisme ? Ok. Il y avait quelqu'un là-bas au bout qui avait levé la main ? Communication ? Ok. Alors, normalement, j'ai un débit de parole assez rapide, donc n'hésitez pas aussi, pour les étudiants Erasmus, si ça va trop vite, vous faites signe, hein, et on peut éventuellement essayer de ralentir le rythme. Ça va ? Est-ce qu'il y a des étudiants français ? D'habitude, il y en a parfois pas mal. Voilà, mais écoutez, pas de questions ? Bon, eh bien, alors on va essayer de commencer ce cours. Et je m'aperçois que j'ai laissé dans mon scooter ma femme. Je vais aller la chercher dans un instant. Mais on va peut-être aborder une première chose. Qui a déjà une expérience professionnelle dans la communication ? Parce que ça arrive. Vous avez donc déjà, vous travaillez comme professionnel de la communication et vous faites des études en plus ou en complément, c'est ça ? Les deux dames, oui ? Un stage, oui, d'accord. Mais moi, je parle de travailler, être, avoir un emploi dans la communication. Qui a un emploi ? Oui ? Community manager. Dans une boîte de... si c'est pas indiscret. Non, c'est une boîte qui fait lié aux réseaux sociaux. Abonnement aux réseaux sociaux. Quelqu'un d'autre ? Oui ? Web designer chez Resto.be, oui. Il y avait quelqu'un qui, je ne sais pas si elle est dans la salle, il y avait une personne qui travaille à la chancellerie du Premier ministre et qui avait demandé pour pouvoir suivre le cours. Elle est là ? Non. Oh. Alors... Pas d'autres professionnels alors ? Non ? Alors, on essayera, dans la mesure du possible, éventuellement aussi d'avoir des visiteurs. J'essaierai de vous faire rencontrer d'autres professionnels spécialisés dans d'autres domaines. Alors, j'aimerais peut-être déjà sonder avec vous, c'est le cours de communication corporelle. Alors, est-ce que quelqu'un sait me dire c'est quoi la communication corporelle ? La communication des valeurs d'une entreprise, effectivement. C'est une définition parmi de nombreux autres, effectivement. Ça recouvre quel type de communication ? aborder ensemble, évidemment, et que je n'aborde, c'est vraiment la communication qui est liée aux organisations et à leur fonctionnement de manière globale. Ça recouvre la communication à l'intérieur de l'organisation, ça recouvre la communication à l'extérieur de l'organisation. Mais dans les communications vers l'extérieur de l'organisation, on n'abordera pas à ce cours-ci tout ce qui touche à la communication, comme moi j'appelle la communication marketing, c'est toute la communication publicitaire ou liée aux actions de marché. La communication corporelle est celle qui s'adresse, c'est la communication liée à l'organisation, que ce soit une entreprise, une ASBL, une ONG, une administration, une institution scolaire, bref, que ce soit un comité de quartier, ça c'est l'organisation qui va communiquer. Et on va parler de la communication de, ces organisations-là. Pas des produits, ni des services de l'organisation. Lorsqu'on va parler de communication pour faire la promotion de modèles automobiles ou de casseroles ou d'assurance ou de produits bancaires, on est dans une communication produit. Donc on est dans une communication plus publicitaire, communication marketing, qui ne sera pas du tout mon domaine et que je n'aborderai pas avec vous. On abordera moins en détail tout ce qui touche au lobbying et au public affaires. Pourquoi ? Parce que ce cours-ci, vous avez vu, il porte un petit numéro 1 et il y a un cours numéro 2 qui est fait l'année prochaine par mon collègue, Johan de Rijken, et qui porte plus sur issue management, communication de crise et lobbying et public affaires. Par contre, on parlera de on ira en détail en communication financière, on ira en détail en communication interne et on parlera globalement aussi de tous les basics, les fondamentaux de la communication des organisations. Alors, le problème aussi de ce cours, ne m'en veuillez pas, c'est que j'ai un auditoire composé de gens qui ont zéro formation en communication à ce jour. C'est des étudiants qui ont déjà fait de la communication, qui ont déjà eu des enseignements. Donc, je dois forcément tenir compte des différences de niveau. Donc, il faudra peut-être pour certains que vous supportiez que je vous reparle de certains fondamentaux que vous sont peut-être pour vous déjà connus ou voire même maîtrisés. Mais bon, c'est le problème de devoir enseigner à tout un échantillonnage de gens qui ont des parcours différents aujourd'hui. Donc ça joue effectivement, c'est important, je dirais, en ce qui me concerne. C'est-à-dire que j'ai quand même pas... Non, je vais laisser mon critère. Alors, comme on donne 3 heures de cours, en général, je vous demande de me prévenir après 1h30 de cours. N'hésitez pas qu'on fasse une pause après 1h30. Hein? Ça va? Alors, quelqu'un peut-il me donner une définition de ce que serait la communication? C'est quoi comme la communication? Aucun d'entre vous n'a eu cours de communication, si madame. C'est effectivement, on peut dire que de manière basique, c'est le fait qu'une personne communique avec une autre. Effectivement. Effectivement. C'est le fait de s'adresser à quelqu'un est une communication. Le fait de paraître simplement, sans même s'exprimer, c'est aussi une communication. Et je vous conseillerai prochainement un auteur qui a fait tout un travail à l'université UCLA en Californie, toute une étude impressionnante sur le non-verbal, toute la communication non-verbale. C'est le fait de communiquer en n'exprimant rien, mais en exprimant des choses au travers d'autres choses que la parole. Donc effectivement, communiquer, c'est être capable d'émettre un message et de le transmettre à un destinataire qu'on appellera un récepteur. Alors, en fait, quand on émet un message, vous savez tous que ce message est constitué par l'émetteur sur base de son référent. Et c'est quoi son référent ? C'est son expérience. C'est sa culture. C'est son éducation. C'est l'enseignement qu'il a reçu. Chacun, ici, dans cet auditoire, a un référent différent. Nous avons des origines différentes, nous avons une éducation différente, nous avons grandi dans des pays, dans des endroits différents, dans des familles différentes. Nous avons donc des référents qui sont différents. Nous avons également des âges qui nous différencient. Et mon référent est différent du vôtre. C'est normal. J'ai une série de références, vous avez vos référents. Et donc, tous ces paramètres qui font que nous avons chacun des références différentes sont autant de critères qui rendent plus complexe la communication entre les gens. Parce que ce que moi je vais considérer comme connu ne sera peut-être pas connu par vous. Parce que si je vous parle de quelque chose qui chez moi évoque de la joie et du bonheur, évoque peut-être chez mon interlocuteur de la tristesse et de l'angoisse. Et à partir de ce moment-là, on voit déjà qu'entre le fait d'émettre un message vers un récepteur et que le récepteur reçoive le message, il peut y avoir des misunderstandings, des problèmes de compréhension, puisqu'on n'a pas les mêmes référents. Et donc, ce qui est évidemment éminemment important, c'est de faire en sorte que quelque part, on soit conscient à tout moment que celui vers qui on émet le message n'est pas vous, n'a pas les mêmes références que vous. Et donc, il faut que ces messages soient conçus pour le public auquel on le destine. Alors vous allez me dire, quand on s'adresse à une personne, c'est encore relativement facile d'assez rapidement cerner la personne et l'identifier. Quand on s'adresse à un auditoire, c'est déjà beaucoup plus difficile de savoir. C'est pour ça que d'emblée, j'ai posé des questions, pour savoir qui étiez-vous, pour déjà savoir qu'il y a des étudiants Erasmus, qu'il y en a qui ne maîtrisent peut-être pas le français, que vous n'avez pas tous les mêmes formations, et que donc, forcément, je dois en tenir dans ma manière de communiquer avec vous. Et donc c'est important, et c'est tellement important que pour moi, ce qu'on appelle aujourd'hui communiquer, ça donne toujours l'impression que c'est l'émetteur qui émet et qui communique. Et dans les métiers de la communication, pour moi, la communication c'est 50% du travail. Les 50 autres %, c'est se mettre à l'écoute de l'autre. C'est l'ouverture à l'altérité. C'est la capacité à savoir ce que ressent, ce qu'attend, ce que perçoit celui à qui je vais envoyer ou à qui j'ai envoyé un message. En 13 ans, j'ai vu beaucoup d'étudiants qui souvent me disaient. Je leur posais la question, je leur demandais pourquoi vous avez pris des études de communication. Je pouvais le faire plus. Au début, quand j'avais que 50 étudiants, on pouvait faire plus interactif. Et que me répondaient beaucoup d'étudiants, « Ah, monsieur, moi je fais la communication parce qu'on m'a dit que j'avais le contact facile, que je pouvais communiquer facilement, etc. » Alors, c'est très bien, c'est une bonne chose, mais ça ne suffit pas. Il faut être capable aussi de se mettre à l'écoute de l'autre. Et donc, il y a dans ces métiers de la communication, et croyez-en, mes 35 ans d'expérience, c'est 35 ans d'humilité. D'humilité de se dire à chaque moment, même à mon âge, après autant d'années dans la profession, est-ce que mes interlocuteurs vont comprendre. est-ce que ce que je suis en train de préparer, mon plan de communication, mon texte, mon communiqué, tout ce que je peux produire dans mon métier, est-ce qu'il est adapté à mon public, à l'autre? Est-ce que je connais assez, je peux identifier correctement qui sont mes destinataires? Et vous êtes beaucoup trop encore, je vous le dis tout de suite dans vos travaux, que ce soit avec Bruno de Blan de pour vos exercices ou à l'examen avec moi, vous êtes encore beaucoup trop dans la restitution, je vais dire bête et méchant, de ce que vos profs qui m'ont précédé vous ont enseigné. Il est assez fréquent, je ne vais pas dire systématique, d'avoir à l'examen des étudiants qui, dans tout le plan de communication, me présentent une SWOT. La SWOT que vous faites, c'est pour vous, pas pour votre client. Quand vous préparez un plan de communication, la SWOT vous aide à préparer votre plan de communication, mais votre client, il n'en a rien à faire. La SWOT, c'est un exercice que vous faites, vous, pour mieux comprendre votre sujet, le sujet sur lequel vous travaillez. Tout le monde sait ce que c'est une SWOT? Non. Et il n'y a pas de main qui s'est levée. Je vous l'ai dit, hein, il n'y a pas de mal. Même moi, aujourd'hui encore, je dois lever la main et poser des questions. Alors, qui sait, qui parmi ceux qui savent ce que c'est qu'une SWOT, parce qu'ils ont eu un prof qui leur a enseigné la SWOT, peut expliquer à ceux qui ne savent pas? Monsieur, allez-y, je vous aiderai et il n'y a pas de faute. Vous avez la main, vous? Ou madame, excusez-moi. Non, mais excusez. Veuillez m'excuser. Je vois des cheveux courts et un veston dit, et donc j'ai le réflexe de croire que c'était un monsieur. Donc, veuillez m'excuser. Et je ne voyais que la moitié de votre visage. Ça veut dire quoi, SWOT? Est-ce que quelqu'un sait dire les quatre lettres de SWOT? Qu'est-ce qu'on entend dans les SWOT? C'est très bien, mademoiselle, c'est déjà un très bon pas et courageux de votre part. Alors, S pour strength en anglais, qui veut dire les forces. W, les weaknesses, les faiblesses. Le O, les opportunités. Et le T, les threats, c'est-à-dire les dangers, les menaces. Alors, en fait, c'est une méthode. C'est une méthode qui consiste, quand on doit préparer un travail, que ce soit en communication ou dans d'autres domaines, c'est une technique qui est utilisée professionnellement dans plein d'autres domaines que la communication, qui consiste, en fait, à se poser les questions, quelles sont les forces de l'organisation, par exemple, pour laquelle on va travailler, ou bien du cas que l'on va traiter, quelles sont les forces, quelles sont les faiblesses, quelles sont les opportunités? Donc, cette organisation travaille dans un contexte, dans un environnement. Quelles sont, si vous voulez, les situations qui sont opportunes, les moments qui sont opportuns et qui vont éventuellement aider l'organisation ou aider à la réalisation du plan de communication? C'est les opportunités. Et enfin, les menaces, c'est qui sont ceux et quelles sont les situations qui pourraient nuire à ce qu'on est en train de préparer ou à l'organisation pour laquelle on est en train de fonctionner. Parce que pour ceux qui ne savaient pas ce que c'était une SWOT, ça vous en dit déjà un petit peu plus. Voilà. C'est une technique de travail. Alors pourquoi je dis que je ne veux pas nécessairement de SWOT? Je n'ai pas dit que je n'en voulais pas à l'examen. Je veux une SWOT qui ait du sens et qui soit appliquée au cas sur lequel je vous ferai travailler. Autre élément que je voudrais aussi avoir, c'est que vous soyez critique. Parce que c'est un des éléments que les communicateurs doivent avoir. Nous devons être critiques. Nous devons remettre en question. Il n'y a pas de choses figées. Et donc, j'ai des groupes que moi j'appelle les bons élèves. Ils ont bien étudié le sujet qu'on leur a donné, du case, et ils ont été revoir dans leur syllabus, dans leur syllabi, tel professeur avait dit qu'il faut ceci, il faut cela. Et alors, il me présente des plans de communication. On utilise tous les outils. On fait un nouveau site Internet. Il y en a un déjà pour l'organisation, mais c'est pas grave. On en fait un nouveau. On fait des réseaux sociaux. On fait ceci, on fait cela. Bref, c'est un inventaire exhaustif de tous les outils de communication et les techniques de communication qui sont mises à disposition. Comme si dans les organisations, on avait les moyens en personnel, les moyens financiers pour mettre en œuvre toutes les techniques. Ou bien, des étudiants qui viennent et qui proposent un plan de communication qui coûte des millions pour simplement prendre en charge la communication de Caterpillar qui licencie 2000 personnes. Non mais, ça semble rigolo, mais j'ai eu des choses comme ça. On organise un événement avec les familles pour rassurer les gens qu'on les va, pour leur dire qu'on va les licencier. Avec les enfants et tout, château pour les enfants, etc. Oui, il y a des étudiants qui croient que la communication, c'est l'organisation des événements. Donc, il va falloir faire marcher vos ménages et vous intéresser au sujet. Alors, autre chose aussi qui est flagrant, et je vous le dis tout de suite, et c'est ce que je dis, c'est ça la faculté d'écoute. C'est que quand vous allez travailler sur un sujet, il va falloir consacrer du temps pour vous intéresser au sujet, pour découvrir l'organisation de l'entreprise, aller chercher les éléments d'information, et si possible, ne pas aller déranger le directeur de la communication de l'usine Audi à Forêt. Elle a autre chose à faire que répondre à 250 étudiants. Hein? Non, il y a des sites internet, il y a suffisamment d'informations à gauche et à droite pour trouver des informations sur les sujets sur lesquels je vous ferai travailler. Il va falloir aussi vous rendre compte que la communication, ce n'est pas simplement effectivement faire de l'animation, des jeux et des petites choses comme ça. C'est aussi des situations difficiles, des situations qui ne sont pas amusantes, qui sont embarrassantes et pour lesquelles il faut communiquer. Faire des gens qui tweetent, faire des belles choses sur Facebook qui sont positives, je dirais que c'est à la portée de tout le monde. Gérer des situations qui ne sont pas faciles, c'est une chose. Donc il va falloir vous intéresser. Il va falloir aussi vous intéresser parce que toutes ces organisations dont on parle, pour lesquelles vous ferez de la communication, ces organisations, elles ne vivent pas dans un monde vide. Elles font partie d'un contexte. Et ce contexte, ce sont nos sociétés. Alors, la société belge, la société française, la société brésilienne, la société mexicaine, la société de Taïwan, etc. Chaque société a son contexte, son cadre politique, son cadre de référence. Aujourd'hui, nous ne sommes plus au XVIIe siècle où on pouvait créer une entreprise, aller puiser dans les ressources naturelles, rejeter dans la nature tous les déchets qu'on voulait, prendre les ouvriers et les payer pour rien, faire descendre les enfants dans les mines, faire travailler les gens 7 jours sur 7, 10 heures, 12 heures par jour. Non, ça c'était au XVIIe siècle. On faisait ce qu'on voulait, on n'avait de compte à rendre à personne. Aujourd'hui, on est dans des sociétés où il faut rendre des comptes. Il y a des cadres, des contextes, il y a des lois. Et donc l'étudiant en communication, il doit aussi avoir compris quel est le cadre et le contexte de l'organisation. Et je ne vais pas vous faire un cours de droit, mais un cours de cadre juridique. Vous êtes censé vous approprier ces infos, ce contexte. Vous êtes censé maîtriser ce contexte. Parce que demain, quand vous serez sur le marché de l'emploi, si on vous trouve un job chez un éditeur de livres, eh bien, il faudra comprendre quel est le contexte des droits d'auteur, la problématique de l'impression et de l'édition d'ouvrages, et comment ça fonctionne. Si demain vous êtes chargé de la communication dans un hôpital, il faudra comprendre comment fonctionne le monde hospitalier et qui sont les ministres de tutelle, qui sont les responsables, qui sont les cadres, quels sont les cadres légaux qui encadrent le fonctionnement d'un hôpital. Parce que si demain vous faites la communication à l'université, il faudra comprendre, pas rien que l'université, mais tout le contexte qui tourne autour de l'université. Ce qui va m'amener à vous parler et à vous dire qu'en fait, on est encore loin de communiquer, là. Pour le moment, on ne fait que s'intéresser à l'autre. Et à ce qui est autour de l'autre. Il faudra identifier ce qu'on appelle professionnellement, en anglais la plupart du temps, mais il y a une version française, je vous la donne aussi, bien entendu, ce qu'on appelle les stakeholders, les parties prenantes. Il faudra s'intéresser aux parties prenantes. Et vous êtes encore beaucoup trop nombreux à vous lancer dans des plans de communication sans même faire l'analyse des parties prenantes. Donc ne vous étonnez pas, moi et Bruno, on va vous faire travailler sur les parties prenantes. Et si on vous demande les parties prenantes de chez Caterpillar qui sont internes à l'organisation, ne répondez pas les travailleurs. Parce que ça, évidemment, n'importe qui peut le savoir. Que chez Caterpillar, il y avait des travailleurs. Mais ce qui est intéressant de savoir, c'est comment ils s'organisent, ces travailleurs. Comment légalement ils sont différents les uns des autres. Il y a des directeurs, il y a des cadres. Il y a des dirigeants, il y a des employés, il y a des ouvriers, ce sont des statuts différents, c'est des cadres de référence différents, et l'organisation doit tenir compte de tout cela. Et donc forcément, la communication qui tourne autour de tout ça doit tenir compte de ces aspects et de ce contexte. Et si on prend même les travailleurs, les ouvriers, il y a les ouvriers, mais il y a ceux qui représentent les ouvriers, parce qu'ils ont été élus lors des élections sociales, il y a ceux qui représentent les ouvriers parce qu'ils sont dans un syndicat. Et donc, c'est s'intéresser à tout le sujet. Vous allez entendre très peu parler de Twitter et de communication digitale. Je vais passer peut-être pour un vieux con pour vous. Tant pis pour moi. Mais si je crois réellement que Twitter, Facebook et tous les médias sociaux sont hyper importants et que nous vivons un instant, pour le moment, nous vivons un slot dans l'histoire qui pour moi est aussi important que lorsqu'on est passé après Gutenberg à l'imprimerie. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que quand on est passé de l'écriture, des copistes, des moines copistes qui reproduisaient à l'imprimerie, on a pu faire reproduire les connaissances en grande quantité. Et le fait d'avoir pu imprimer les connaissances dans des livres qui coûtaient moins cher que de devoir acheter des incunables, a fait que des tas de choses qui étaient inconnues d'une masse de la population a pu devenir accessible à beaucoup de gens. Et si vous regardez l'histoire des civilisations, vous voyez qu'au moment où l'imprimerie arrive, qu'est-ce qui se passe ? Il y a un profond bouleversement des sociétés. Curieusement, l'imprimerie va avoir un profond bouleversement sur l'organisation des États, sur les pouvoirs, les relations entre les êtres humains. Eh bien, je pense fondamentalement que le digital est un moment similaire. Je veux simplement que vous sachiez qu'au moment où l'imprimerie est arrivée, ils ne se rendaient pas compte de ce qui se passait. Et les gens qui étaient au pouvoir ne se rendaient pas compte de ce qui était en train de se produire, parce que c'est des processus lents qui ont mis du temps. Eh bien, nous sommes dans une même situation. Nous sommes en plein dedans, et donc on ne mesure pas nécessairement toutes les conséquences de ce qui est en train de se passer. Néanmoins, je ne vais pas vous parler que de ça. Et je ne vais pas vous en parler beaucoup de tout ce digital. Et peut-être que je ferai venir quelqu'un qui viendra parler 2 heures précisément, et plus précisément de la communication digitale et des enjeux. Pourquoi ? Parce que je pense qu'avant de commencer à raisonner sur le digital, il faut d'abord avoir compris les fondamentaux de la communication. C'est approprier la capacité d'analyser les stakeholders, d'avoir compris l'environnement de l'organisation. Parce qu'avant d'utiliser des outils, il faut d'abord savoir qu'est-ce qu'on va dire. Qu'est-ce qu'on veut dire, à qui on veut le dire. Donc, loin de moi de dire que tous ces nouveaux outils de communication, c'est négligeable. Il n'est pas question de ça. Il est simplement question d'essayer de vous ramener back to basics et de clairement vous faire comprendre ce qui est indispensable si vous voulez vous faire un trou dans, faire une carrière dans ces métiers. Alors, ce n'est pas le passeport garanti non plus que je vais vous enseigner. Parce que dans ma vie professionnelle, je rencontre des gens qui sont des communicateurs, des professionnels de la communication, des gens qui viennent d'agences de communication. Mais je vois aussi des horreurs de ces gens. Des choses abominables. Qui ne se sont même pas donné la peine. Ils osent venir chez leurs clients proposer quelque chose alors qu'ils n'ont même pas compris quels étaient, comment sont leurs clients étaient organisés. Quel était le processus d'activité de leurs clients. Ils viennent et ils vous plaquent des solutions toutes faites. Donc, des moulins à parole qui répètent simplement ce qu'ils ont eu entendu, ce qui s'est fait ailleurs, c'est pas compliqué à faire. Mais analyser, comprendre, s'approprier un sujet et oser innover, oser aller contre les courants, oser surprendre, c'est dans toute votre vie professionnelle. Et vous avez la chance, pendant encore 2 années pour ceux qui sont en Master 1, pour ceux qui seront en Master 2, il vous reste 1 an, vous avez la chance que vous êtes encore aux études et que vous pouvez encore nous surprendre et que vous avez le droit de nous surprendre sous toutes les formes. Plus tard, vos clients, ils ne seront pas nécessairement ouverts à toutes les initiatives, à toutes les idées. Mais vous allez avoir, tant dans mon cours, que dans les exercices que Bruno va vous donner, qu'à l'examen, que dans vos mémoires, vous allez avoir encore la possibilité de pouvoir avoir la liberté de dire exactement ce que vous voulez. Est-ce que ça veut dire que je dis plus ce que je pense? Si, ça ne fait pas. Après des années, au début de ma carrière, pas. J'étais petit zizi, je faisais attention quand même à d'abord comprendre et avoir. Maintenant, j'essaye au moins, quelque part, de faire comprendre à ma hiérarchie quand je ne suis pas d'accord, quand je trouve que, quelque part, elle fait fausse route. Ça fait partie aussi des métiers de la communication et que je suis tout à fait prêt à entendre. Je n'ai aucun problème aux examens et Bruno aux exercices, même chose. On n'a aucun problème à ce que vous fassiez différemment de ce que nous avons fait. Pour autant que vous soyez capable de le justifier et que ça ait du sens et que ce soit cohérent avec le sujet sur lequel vous allez travailler. Parce qu'en communication, c'est ça qui est important. C'est de travailler exactement sur le sujet et de le faire correctement. Alors, vraiment, allez-y, vous êtes en phase de créativité, vous pouvez avoir de la créativité. Appropriez-vous les sujets et essayez de le faire avec vraiment conviction, mais surtout avec réflexion. N'essayez pas d'aller voir ce qu'on a fait chez d'autres, ce que d'autres étudiants ont fait l'année avant. N'essayez pas de voir sur Internet ce qu'on a fait dans une société qui ressemble et qui, etc. Non, appropriez-vous le dossier. Envisagez-le sous tous les angles que je vais vous partager avec vous pendant ces heures de cours jusqu'au mois de décembre. Et vous verrez que les choses prendront un sens beaucoup plus clair et les choses seront beaucoup plus faciles. Quand il s'agira de réfléchir à la stratégie de mise en œuvre de ce que vous voulez réaliser pour atteindre l'objectif qu'on vous demande. Parce que quelque part, en communicateur, vous devez répondre aux attentes de celui qui vous appointe. Que vous soyez un consultant extérieur, que vous soyez embarqué dans l'entreprise ou dans l'organisation, ce n'est pas vous qui décidez. On vous demande de faire quelque chose, de répondre à un besoin, et vous devez trouver la formule et la plus appropriée et la plus adaptée à la situation. Et vous verrez qu'en vous intéressant, en vous impliquant, en fait, il faut être curieux. Si vous n'êtes pas curieux, circulez. Très honnêtement, il faut être curieux. Il faut être curieux presque jusqu'à être malsain. Vous ne pouvez pas vous mettre à écrire et à communiquer sur quelque chose que vous n'avez pas compris. Ce n'est pas possible. Je ne peux pas aller sur un plateau de télévision et défendre une situation si je n'ai pas compris, si je ne maîtrise pas le sujet. Et donc, il faut être curieux. Et ne pas hésiter à dire qu'on ne comprend pas. C'est pour ça aussi que je vous dis, levez la main, posez des questions. Aujourd'hui, après 35 ans, dont au moins une trentaine passées rien dans le secteur de l'énergie, dans plusieurs entreprises et organisations différentes, j'ai encore des questions. Je me pose encore des questions. Je m'intéresse encore à des choses nouvelles. Parce que je n'ai pas fait le tour de la question. Parce que je ne peux pas, du jour au lendemain, m'être approprié toutes les connaissances des ingénieurs, des juristes, des responsables ressources humaines, des responsables financiers de l'organisation. Or, on va devoir communiquer. Vous devrez communiquer de manière financière. Vous devrez communiquer en interne et savoir quelles sont les règles de la communication interne avec les syndicats, avec les conseils d'entreprise et autres. tout ça devra devenir normal et naturel pour vous. Donc, il va falloir vous intéresser à plein de choses. Je vois des têtes parfois des conflits, et je peux comprendre, évidemment. Hein, si vous vous êtes dit que la communication s'était organisée, la communication du Brussels Summer Festival, ceux qui ont la chance de le faire, tant mieux. Mais c'est pas que ça. Ça va ? Alors, je vous propose de faire, avant de faire la pause, de faire un petit break, 2 secondes, break mental par rapport au sujet, donc ne vous déplacez pas. On va parler aussi des mémoires. Alors, pour les étudiants de l'IEX, je ne connais pas exactement le détail de vos processus et vos échéances, mais de toute façon, je pense que dans ce que je vais vous dire, rien ne sera perdu. Par contre, pour tous les autres étudiants qui sont en Master 1, pour vos mémoires, vous allez devoir rapidement choisir vos sujets de mémoire et vous engager. Il y a une échéance. Alors, je vais être très clair avec vous. Échéance, je ne sais pas, en général, c'est fin novembre, début décembre, il y a un document à remettre, qui est une fiche de sujet de mémoire, et vous devez avoir trouvé un directeur de mémoire qui signe votre fiche, et qui donc valide votre sujet. Il est inutile de vous concentrer tous dans ma boîte aux lettres mail, la semaine qui précède l'échéance, de m'envoyer, de me demander les rendez-vous, de me faire lire des tartines longues comme ça, pour voir si vous, si je devrais, vous devriez plutôt choisir tel sujet que tel autre sujet, ceci et cela. Non. Dès maintenant, plongez-vous dans cette problématique. Dès maintenant, allez voir vos professeurs, moi y compris. Interrogez-nous pour savoir si le sujet sur lequel vous allez travailler est intéressant, opportun, et si on peut éventuellement vous cadrer. Dès maintenant, impliquez-vous. Je le répète chaque année, et chaque année, il y a un paquet. Mais cette année, j'ai décidé que très clairement, j'enverrai un mail très court, mais très clair, à ceux qui arrivent trop tard. C'est-à-dire, allez voir ailleurs. Je ne suis pas pendu au clou pour attendre que vous daigniez enfin vous intéresser à la problématique. Vous avez 3 mois. Grosso modo. Hein? Parce que, oui, si on dépend début décembre, mais vous savez en plus que de toute façon, on vous donne un délai supplémentaire. Cette maison est toujours très large. Et donc, vous avez au minimum 2 mois pour y travailler. Et donc, n'attendez pas la dernière minute pour choisir vos sujets de mémoire. Autre élément, ma capacité, vu mes activités professionnelles en dehors de l'université, font que je ne peux pas avoir à gérer plus de 18 mémoires de front. J'ai déjà des mémoires d'étudiants de l'année dernière qui sont en Master 2, donc quelque part, je peux accepter des nouveaux mémoires, dont 8, 9. Ça va ? Donc, d'abord pour le temps de voir venir, vous êtes obligé de vous décider aujourd'hui, bien entendu. Mais ce sera en tout cas quelque chose d'important. Je vous rappelle aussi que vous avez ce qu'on appelle un TPM, travail préparatoire aux mémoires. Ce travail préparatoire aux mémoires, c'est un travail qui représente 5 crédits que vous pouvez présenter en première session ou en deuxième session et qu'il faut réussir. Sans quoi, ça ne passe pas. Alors, ce travail préparatoire aux mémoires, il doit représenter une quantité de travail non négligeable et c'est un exercice qui consiste à déjà, si je devais faire une métaphore, c'est comparé à l'idée de « je vais construire ma maison ». Qu'est-ce que je veux comme logement ? Je vais construire mon logement, je vais être plus précis, mon logement. Est-ce que je veux une maison ou un appartement ? Pour combien de personnes ? En ville ou à la campagne ? Avec quel type de matériaux ? Qui vont être mes corps de métier ? Qui sera mon architecte ? C'est tout ça qu'on va vous demander. Vous renseigner sur les produits, vous renseigner sur la solution qui vous semble être la bonne. Ensuite, la deuxième année, c'est la réalisation du mémoire. Ça, c'est quand on va construire le logement, réaliser le logement. Donc le TPM, c'est toute la phase préparatoire. En gros, qu'est-ce qu'il y a dans un travail préparatoire au mémoire ? Vous avez d'abord, première chose, ce qu'on appelle un état de l'art. C'est-à-dire par rapport au sujet que vous avez choisi, aller voir ce que la littérature scientifique et académique produit sur le sujet, de manière à vous ouvrir sur la matière. Deuxième situation, deuxième chose qui est à faire, c'est, grâce à ces lectures et cet état de l'art, repréciser vos questions, c'est-à-dire vos questions de recherche. Quelles sont les questions de recherche? Un mémoire, ce n'est pas une élocution, ce n'est pas un travail descriptif de quelque chose. C'est une recherche sur quelque chose. Vous apportez quelque chose de neuf, un angle nouveau, un élément nouveau à un sujet. Et vous vous intéressez à ce sujet. Donc, vous allez devoir, à l'aide de la lecture sur le sujet, essayer de vous approprier la matière et définir vos questions de recherche. Une fois que vous avez défini vos questions de recherche, ben, il faut faire la recherche. Et pour faire la recherche, il faudra définir la méthodologie de travail. On va donc vous demander un troisième chapitre sur la méthodologie que vous comptez mettre en œuvre. Je peux vous montrer, je crois que j'en ai un ici, non. Non, dans ma farce, je vous en montre, j'en ai un. Une étudiante qui m'a remis encore, maintenant en deuxième session, un travail de TPM pour un mémoire où la description de la méthodologie fait 4 lignes. Comment est-ce que quelqu'un peut encore oser remettre quelque chose comme ça à ce niveau-là dans vos études? C'était zéro. Donc la méthodologie et enfin une bibliographie. On vous demande, ça je trouve un peu cucu, on vous demande déjà de définir la table des matières de votre future mémoire. Je trouve que c'est un peu audacieux vu que quelque part vous n'avez fait que la réflexion sur le sujet. Vous n'avez pas encore commencé à construire votre logement. Donc ce qui sera important, c'est de trouver un sujet. Alors, premier conseil, dans un sujet de mémoire, essayez de prendre des sujets précis, pas des choses vastes. Alors, monsieur, je voudrais faire un mémoire sur le recours à Instagram dans la distribution de vêtements chez H&M, et, etc. Alors, pourquoi c'est pas bon? D'abord, parce que c'est tellement vaste. Première chose. Deuxième chose, je dis à l'étudiant, comment allez-vous contacter H&M? Avez-vous une entrée chez H&M? Non, vous n'avez pas d'entrée chez H&M. Circulez, changez de sujet. Ah, mais monsieur, je connais quelqu'un qui est vendeur chez H&M. Circulez, c'est pas le sujet. Ah, monsieur, mais j'ai peut-être ma belle-mère qui... habite à côté du monsieur qui est directeur de H&M en Belgique. Circulez, il n'a rien. Le responsable d'H&M Belgique, tout ce qu'on lui demande, c'est de faire tourner les magasins. Il ne sait rien sur la communication, tout est décidé en amont chez Heinz et Moritz. Donc, voilà. Donc, les sujets de ce genre-là qui ont l'air très chouettes, etc. Ou alors, il faut parfois, il y a des étudiants qui ont l'audace et qui expliquent. Quand une étudiante me dit, monsieur, tiens, je m'intéresse à l'université que crée Red Bull. Je dis, c'est quoi cette histoire d'université Red Bull? Bien, Red Bull permet à des gens qui sont comme vous sur les bancs d'université, dès le baccalauréat 3, de pouvoir être financés par Red Bull. Donc, ils travaillent mi-temps chez Red Bull et ils font leurs études en mi-temps, ce qui permet à Red Bull pendant 3 ans de faire travailler les gens pour pas trop cher, de garder les meilleurs et jeter ceux qui ne conviennent pas après. Ben, l'étudiante, elle a poussé toute la elle a analysé toute la communication autour de ça, mais elle s'est embarquée à l'intérieur du processus. Elle a fait sa méthodologie, c'est la méthodologie dite anthropologique, c'est-à-dire elle s'est plongée dans le sujet. Elle s'est imprégnée du sujet puisqu'elle est rentrée dans le système et voilà. Donc là, c'est un sujet évidemment génial, super intéressant. Et bon, voilà, il faut l'audace, il faut le bagou, et il faut avoir la chance. Et elle était tellement... Je dis, mais qu'est-ce qui vous garantit qu'ils vont vous prendre, vous? Ben, ça, c'est mon problème. Rien que quand elle m'a répondu comme ça, j'avais compris qu'elle y est. Et elle a réussi. parfois les choses sont possibles. Lancez-vous sur des sujets qui ne sont pas trop loin non plus. Hein. La campagne Obama, c'est trop court. La campagne présidentielle aux États-Unis, la communication politique, etc., c'est trop court. Votre mémoire, c'est pour l'année prochaine. Et puis, aurez-vous accès aux informations? Aurez-vous accès aux responsables des campagnes des deux candidats, etc. Non, forcément. Donc, soyez raisonnable dans vos sujets. Réfléchissez. Surtout, n'oubliez pas que vous allez devoir vous imprégner du sujet. Et donc, il va falloir aller chercher l'information. Et si vous n'avez pas accès à l'information, vous aurez le plus grand mal de faire votre travail. N'allez pas dans des sujets où vous devez sonder l'opinion publique ou les clients de ou ceci ou cela. Vous n'êtes pas un institut de sondage, vous n'êtes pas capable. Vous pouvez, à la limite, en méthodologie, faire des interviews face-to-face, éventuellement des panels, et faire des grands sondages représentatifs, vous n'y arriverez pas. Vous n'avez pas accès aux techniques et aux technologies pour avoir des échantillons qui représentent quelque chose. Donc, utilisez aussi des méthodologies que vous êtes en mesure de mettre en œuvre et de réaliser. Ça va ? Allez, on fait une pause et on se rend dans... à 20. Ça va ? C'est une blague. Ce sont des documents de base et des documents ponctuels utiles. Et enfin, il y a un calendrier avec les... Il y aura en tout cas le calendrier, il y est, mais je ne l'ai pas encore adapté, mais avec les lieux où les cours auront lieu. Je dis aussi déjà tout de suite, ce cours étant à l'agenda de deux institutions différentes, le vendredi de la Saint-V, il y aura bien cours à l'IEX. Vous pouvez toujours passer à l'IEX. Si vous êtes à l'ULB, vous pouvez toujours nous rendre visite. Une petite shop au Belge. Pourquoi pas, quoi. Alors, le bloc du cours, pour trouver le bloc du cours, c'est très facile. Hein. Pour ceux qui ont des connexions, tapez... Et normalement, si vous tapez ça dans Google, vous allez trouver ça avec Blogspot, et bien c'est le site du cours. C'est le blog du cours. Il y en a qui sont connectés ? Personne n'est connecté ? Vous l'avez ? Et ça apparaît ? Il est toujours là depuis 15 jours ? Ok, c'est ça, parfait. C'est bien. Donc, je vous garantis que ce week-end, je le mets à jour. Ça va ? Et vous trouvez. Mais vous pouvez déjà aller dans la Dropbox, vous allez trouver une description du cours, vous allez trouver une fiche bibliographique qui vous renseigne une série d'ouvrages. Il n'y a pas de syllabus pour le cours. Je m'excuse, mais j'estime qu'à ce stade-ci, l'utilité du syllabus n'est pas vraiment utile. Parce que, ou bien, je vais faire un syllabus qui répète quasiment ce qu'il y a dans les ouvrages que je mets dans la bibliographie, et faire un syllabus pour ne faire pas que des anecdotes n'est pas intéressant. Donc ce qui est intéressant, c'est de venir au cours, de participer, d'entendre, de poser des questions. Et le cas échéant, pour la base, les fondamentaux de tout ce qu'on va discuter, vous les retrouverez dans les ouvrages qui sont repris. Et il n'y en a pas 50, hein, donc ce n'est pas une bibliographie. Autre élément. Je vais aussi essayer de vous mettre à disposition pour les étudiants ULB la fiche mémoire de l'année dernière, la fiche de présentation de sujet de mémoire de l'année dernière. Administrativement, je ne suis pas responsable du fonctionnement de cette maison et de ce département. Donc ce sera peut-être une autre fiche. Mais pourquoi je vous propose la fiche de présentation de sujet de mémoire ? Parce que, très honnêtement, tous les profs, on veut bien que vous nous écriviez pour nous proposer vos sujets de mémoire et qu'on jette un coup d'œil, mais je ne veux plus des emails où les étudiants m'envoient tout un long texte pour me dire « Ah, monsieur, j'aime bien ceci, etc., etc., etc., etc. » pendant des lignes et des lignes et des lignes, et où ce qui me le donne ne répondent pas aux fondamentaux qui sont repris dans l'affiche. Dans l'affiche, on vous demande vos identités, bien sûr, votre sujet, vos questions de recherche, ce que la plupart du temps vous ne nous proposez pas. Vous venez avec un sujet, mais vous ne mettez pas la question de recherche. Quelle est la question de recherche ? On vous demande déjà d'expliquer pourquoi vous vous intéressez à ce sujet, et puis on vous demande une série de rubriques. Ne fût-ce que déjà faire cet exercice-là, de vous approprier cette fiche-là, va vous aider à trouver votre sujet de mémoire. Je vous le dis. Je sais que je prêche dans le désert, parce que je sais qu'il y a des étudiants qui vont débarquer la dernière semaine de novembre, avec un email où la fiche ne sera pas, et où il manquera la moitié des informations. Ben, ils recevront le message que je leur ai annoncé, c'est-à-dire que ce sera miette. Ok ? D'autres questions ? Non. Alors, je vais vous lire un petit texte. Partager avec vous un petit texte. Pas trop long. Et chaque mot est pesé. Et j'ai lu ce texte il n'y a pas longtemps. C'est sur un blog de Christophe Lachnit, qui est un communicateur comme moi, un professionnel. Et quelque part, je peux vous dire que je partage en tout point tout ce qui est dit dans ce que je vais vous lire. C'est court, c'est pas long. Je vous mettrai également le document sur le blog, donc écoutez-le plutôt qu'essayer de gratter tout ce que je vais vous dire. D'abord, ça titre « dire comme », c'est pour directeur communication. Hein? « Dire comme » égale « idiot utile ». C'est déjà un peu provoque. Hein? Alors, qu'est-ce qu'il dit ? C'est un français, mais c'est pas grave. Goutard. Lorsqu'on me demande de définir le métier de dire comme en quelques mots, je réponds que c'est la gestion de l'ignorance. En effet, le communicant est en permanence confronté à des spécialistes, experts techniques, financiers, juristes, responsable RH, stratège, marketing, responsable clientèle, acheteur, dont il doit d'abord comprendre la spécialité, la digérer, puis la délivrer en message convaincant à des audiences au niveau de compréhension et aux intérêts très différents. Je répète. Il doit d'abord comprendre la spécialité, la digérer, puis la délivrer en message convaincant à des audiences au niveau de compréhension et aux intérêts différents. Il n'a pas fait d'école de management, de dire comme, mais il doit présenter la stratégie de son entreprise aux analystes financiers. Il n'a pas de formation économique, mais il doit expliquer des performances financières aux journalistes. Je vais rajouter une phrase qui est un des éléments de ma vie. Il doit aller expliquer pourquoi les centrales nucléaires ne sont pas dangereuses sur un plateau de télévision à côté d'Anne-Marie Lizin. Et pourtant, il n'est pas ingénieur. Et je n'ai pas fait d'études d'ingénieur. Et je ne suis pas ingénieur nucléaire ni spécialiste du nucléaire. Mais il doit expliquer les performances financières aux journalistes. Ça, je vous dis. Il n'est pas un spécialiste de l'activité de son employeur, mais il doit la promouvoir à l'égard des clients. Il n'est pas un praticien du droit social, mais il doit relayer la politique des ressources humaines auprès des collaborateurs. À ce titre, il doit en permanence gérer son ignorance tout en étant crédible vis-à-vis à la fois de ses sources et de ses publics, lesquels publics sont souvent plus compétents que lui sur un sujet donné. Quand il dit ici, à ce titre, il doit en permanence gérer son ignorance tout en étant crédible vis-à-vis de, à la fois de ses sources et de ses publics. Ça veut dire que pendant ma carrière, je me suis occupé des centrales nucléaires. Aller sur un plateau de télévision, déjà pas, hein, dans un débat où vous avez des représentants de Greenpeace, le bourgmestre de la ville où se trouve votre centrale nucléaire, etc., et qu'il faut aller partager et discuter du débat, il faut que vous montriez au public du débat télévisé que vous maîtrisez votre matière. Mais pour maîtriser votre matière, il faut que vos sources, c'est-à-dire que les ingénieurs de cette centrale vous fassent la confiance et vous confient le soin d'aller défendre leur organisation, leur machine, celle qu'ils font tourner avec amour et soin. Et donc pour ça, pour que vous soyez crédible à leurs yeux, il faut que vous maîtrisiez leurs compétences. Et donc vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure, c'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure. Avant de communiquer, il faut d'abord écouter et avoir compris. Avoir compris ce que l'on veut vous faire dire, ce sur quoi vous allez devoir communiquer. Vous savez, moi je dis souvent qu'il y a des communicateurs, ce sont des décorateurs. C'est les communicateurs qui demandent à leurs clients qu'est-ce que je dois dire, et le client leur donne ce qu'il faut dire, et ils prennent ce que le client lui a donné, et ils l'habillent, et ils le diffusent. 9 fois sur 10, c'est l'échec. Parce que la communication, c'est pas de la décoration. C'est pas mettre des petites guirlandes autour, des petits Mickey, des petits smileys, et des choses comme ça. C'est pas faire une belle mise en page graphique, etc. Oui, c'est important, bien sûr, la mise en page graphique, c'est important aussi. La présentation, c'est important, c'est aussi une communication. Mais si le contenu, le fond de votre message, la forme, c'est important, mais si le fond n'y est pas, si le fond est incompréhensible pour votre public. On parlait tout à l'heure dans la communication qu'il y a un émetteur et un récepteur. Si le récepteur, vous connaissez beaucoup de récepteurs, de gens qui écoutent quelqu'un d'autre et qui font l'effort d'essayer de comprendre. Oui, les étudiants qui viennent écouter leur prof, oui, ça, à ce moment-là, c'est les seuls moments dans le soir où je vais écouter une conférence vraiment qui m'intéresse. Mais ou sinon, si on vous parle en chinois, je veux dire en chinois, excusez-moi, je veux dire par là, je ne parle pas de la langue, je n'ai rien de désobligeant vis-à-vis de la langue, mais je veux dire, dans un langage incompréhensible. C'est une expression en langue française. Si c'est pas clair, non, aujourd'hui il faut être prudent dans ce qu'on dit. Il faut quand même clarifier que les choses soient claires. Mais donc, je veux dire, c'est à l'émetteur de veiller à ce que son message soit compréhensible. C'est pas au récepteur de devoir s'interroger, se poser des questions pour comprendre le message. Donc, il faut s'approprier. Et donc, le communicateur, le dire comme, il doit être reconnu dans sa mission par ses pairs, ceux qui sont à l'intérieur de l'organisation. Je continue le texte. Mais c'est cette ignorance qui, paradoxalement, fait la force du directeur de la communication. C'est notamment ce qui lui permet, beaucoup mieux qu'un spécialiste, d'avoir l'empathie indispensable à une communication efficace. En effet, le spécialiste est généralement trop captivé par son domaine d'expertise pour s'ouvrir à des perspectives différentes. Or, comme nous le verrons ensemble, la communication commence par la prise en compte de l'altérité de son audience. A contrario, le fait d'être ignorant, éloigné d'un sujet, fournit au directeur de communication le recul essentiel à la prise en compte des perceptions de différents publics cibles. C'est pourquoi j'ai pris l'habitude, dit l'auteur, c'est pourquoi j'ai pris l'habitude, et je le partage 100% ce qu'il dit, d'affirmer que le directeur communication est un idiot utile, utile à l'organisation. Bien comprise, la communication est une école de modestie. Le communicant doit tous les jours se mettre à l'écoute des spécialistes sans lesquels il ne pourrait pas communiquer. Cette approche de la communication me conduit notamment à rechercher 4 qualités chez les candidats que je recrute. Et c'est les qualités exactement. Quand j'ai lu ça, j'ai vraiment cru que c'était quelqu'un qui avait lu dans mes pensées, dans ma manière de fonctionner. Ce qui montre que quand même, l'expérience professionnelle conduit à ce qu'on ait les mêmes constats. Quels sont les 4 critères les quatre qualités que l'on attend d'un bon candidat, et je vais dire que quelque part dans les travaux que je jugerai, vous me remettrez, ce seront les quatre qualités que je regarderai. La curiosité, afin de se passionner pour les thèmes communiqués. Le communicant doit passer sans cesse d'un sujet à l'autre avec le même intérêt. Pour la compréhension des publics cibles, et last but not least, pour les sujets de société et d'actualité qui touchent les thématiques de l'entreprise. Je vais plus loin que lui, je vous ai dit, il faut comprendre tous les mécanismes de la société dans laquelle nous fonctionnons. Pas la société entreprise, la société civile dans laquelle nous fonctionnons. Deuxième qualité, l'agilité d'esprit pour comprendre, digérer et adapter les différents sujets qu'il doit communiquer. Troisième élément, le respect d'autrui, première condition de l'écoute des spécialistes dont il dépend et des publics cibles dont qu'il doit convaincre. Quatrième qualité, l'empathie sur laquelle il n'est pas nécessaire de revenir. C'est tellement évident après tout ce que l'on a dit. Voilà, mais quant à moi, je suis certainement convaincu d'être un idiot utile. Voilà, et j'espère que vous ferez en sorte de l'être aussi. Dans votre carrière, vous verrez, c'est très important. Voilà, c'est donc Christophe Lachnit qui a publié ça, et c'est tout à fait intéressant. DIRCOM égale idiot utile. Vous tapez ça dans Google, vous trouverez également, mais sinon je vous dis que je le mettrai dans le Dropbox comme document utile au cours prochainement. Voilà. Lachnit, Lachnit. Je suis gaucher, j'écris très mal aujourd'hui. Voilà. Donc, ceci pour vous dire que il n'y a pas que moi. Je vais beaucoup parler de moi, puisque je viens partager avec vous l'expérience. Mais quelque part, je peux vous dire que je l'ai coupé au travers d'ouvrages que j'ai dit. Mais je pense que c'est mieux de pouvoir vous le faire partager au travers d'exemples vécus. Et donc, la curiosité, par exemple, c'est un bel exemple. Hein. C'était... Dans ma carrière, au début, c'était dans les années 80, quand je m'occupais de la communication des centrales nucléaires de Tihange et de Doudoul, ici en Belgique, 7 réacteurs, 4 à Doudoul et 3 à Tihange. Et à l'époque, je m'énervais, j'étais assez jeune, et je m'énervais toujours parce que je ne comprenais pas comment il se faisait que quand il y avait un incident à la centrale, le journal Vers l'avenir, qui est le quotidien de la région de Andenne, oui, comment se fait-il que le Vers l'avenir avait l'information et moi pas? J'étais le responsable de la communication de l'entreprise qui gérait ces centrales nucléaires. Et le matin, quand j'arrivais au bureau, parce qu'il n'y avait pas encore Internet et tout ça, il fallait dépouiller les journaux, on faisait les revues de presse à 6h30 du matin, on prenait les journaux, on les ouvrait, et on feuilletait, on regardait, et... C'était toujours mon angoisse, c'était d'arriver au bureau le matin, d'ouvrir Vers l'avenir, le quotidien, et d'ouvrir et de voir en couverture un titre. Incident à la centrale de Tihange, la bourgmestre s'interroge sur ceci, ou incident à la centrale de nucléaire de Tihange, les syndicats font valoir que ceci ou cela. Et ça m'énervait. Non, ça se fait que moi, je n'étais pas au courant. Il n'y avait pas les GSM, ça n'existait pas à l'époque. Dans les années 80, il n'y avait pas de GSM. Il y avait des lignes fixes et tout. Et il n'y avait pas d'Internet, et pas de PC. Et quelque part, donc, j'appelais chaque fois le directeur de la centrale. Je dis, vous avez lu le titre, la couverture du journal? Je dis, qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça se fait que vous ne m'avez pas prévenu? Et un jour, que j'étais vraiment fâché, le directeur, j'étais qu'un petit communicateur à l'époque, hein, mais je m'étais quand même fâché. Et donc lui, il s'est fâché en retour, c'est un peu normal. Il s'est fâché en retour et il m'a dit, Mais chez ma sœur, parce qu'à cette époque-là, ça ne s'appelait pas par le prénom, ça s'appelait par son nom de famille. Mais monsieur Massa, vous m'amusez. Vous êtes vous à Bruxelles. Comment voulez-vous que je vous tienne au courant de tout ce qui se passe dans mes réacteurs? Vous savez, monsieur Massa, vous travaillez 8 heures au bureau. Et mes centrales, elles tournent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an. Si vous me dites où je peux vous joindre, en pleine nuit, le dimanche après-midi, ou le samedi matin à 4 heures du matin, ben je vous informerai. Mais tant que je ne sais pas où je peux vous joindre, et vous imaginez bien, M. Massa, que j'ai autre chose à faire que de me poser la question de savoir si vous êtes au bureau, à la maison, chez votre beau-père ou votre belle-mère. Ou chez votre maîtresse, il avait même pas joué, dans la délicatesse qu'il y avait à l'époque. J'étais bien embêté. Je lui ai dit, oui, effectivement. Parce qu'il me dit, vous savez, ma centrale, elle tourne 24 heures sur 24, et trois réacteurs tournent 24 heures sur 24, et il peut se passer un incident à tout moment. Je dis, mais comment se fait-il que vers l'avenir puisse faire un sujet? Parce que vers l'avenir a probablement des contacts avec les syndicats, parce que vers l'avenir a probablement des contacts avec Madame la bourgmestre, et que moi, quand j'ai un incident, je téléphone à ma bourgmestre, ou si je ne sais pas la joindre, je vais jusqu'à son domicile, ou s'il n'y a pas, je vais à la caserne des pompiers, le commandant des pompiers sait où joindre la bourgmestre. Et après, la bourgmestre s'occupe de prévenir le journal. Bon, il avait marqué un point. Comment je pouvais être disponible et être mis au courant de manière à éventuellement communiquer avant que la presse ne communique. On était un jeune couple à l'époque avec mon épouse et qui était enceinte. Et on va, pour ce qui à l'époque n'était qu'une échographie sur toute la grossesse, on va chez le gynéco, et le gynéco, qui était un gynéco des mains à l'ULB, avait à sa ceinture un petit boîtier, on appelait ça un pager en anglais, un sémaphone. C'était un petit boîtier qui faisait que les gynécos pouvaient être appelés, puisqu'il n'y avait pas de GSM, hein, je vous dis, il n'y avait pas toutes ces communications à l'époque. Bon, je sais bien que les années 80, pour vous, ça semble très loin. Mais bon, voilà, c'était comme ça. Vous n'étiez pas né, sachez. Qui était né dans les années 80? J'en avais quand même quelques-uns, un petit peu. Donc, ce qui se passait, c'était que je demande au gynéco, après la consultation, je lui dis, Gilbert, c'est quoi ce petit machin que tu as à la ceinture ici? Ah ben, c'est un pager. Et je dis, c'est quoi? C'est l'hôpital qui t'appelle s'il y a un accouchement, etc. Oui, oui, oui. Je dis, ça marche partout, même au cinéma. Quand tu es au cinéma, oui, ça marche partout. Ça passe même dans les parkings souterrains. Et je dis, tu as ça où? Ah, c'était pas Proximus, c'était pas Belgacom, c'était l'ancêtre de Belgacom. Ça s'appelle la RTT, la Régie des Télégraphes et Téléphones. Et pour trouver les informations, je dis, tu as trouvé ça où? Ah, mais dans le bottin de téléphone. Oui, il y avait des bottins. Ça n'existe plus non plus. Hein? Oui, je sais. Ils l'ont distribué encore. Qu'est-ce qui reste là-dedans? Mais bon, il y avait le bottin. Donc, je suis rentré tout de suite à la maison. J'ai ouvert le bottin. J'ai regardé la sémaphone. J'ai vu une rubrique sémaphone. J'ai regardé le prix. Le lendemain matin, au bureau, j'ai demandé à mon chef. J'ai dit, voilà, je voudrais bien un sémaphone. Un quoi? Un sémaphone. C'est un appareil comme les gynécologues. Quoi, tu vas t'occuper d'accouchement? Me dit-il en rigolant de manière saugrenue. Non, je dis, j'ai envie que la centrale puisse m'appeler à tout moment. S'il y a quelque chose. Ça t'amuse, si t'as envie d'être dérangé la nuit, etc., me dit mon chef, vas-y, c'est pas grave, ça n'a pas l'air très cher, etc. Donc j'ai fait l'acquisition d'un pager, d'un sémaphone. Et donc le principe du sémaphone, c'est que vous donnez à celui qui doit vous joindre un code, et il peut, via le téléphone, simplement, il pouvait encoder le numéro où je pouvais rappeler moi. Et donc moi, ça affichait le numéro que je devais rappeler. Et donc, j'ai rappelé le directeur des centrales nucléaires et je lui ai dit, voilà, maintenant, vous pouvez me joindre, nuit et jour, samedi, dimanche, même si je suis au cinéma ou au théâtre, vous pouvez rappeler. J'ai un sémaphone. J'ai donné mon numéro de téléphone, etc. Eh bien, ils m'ont mis sur les listes. J'étais, du jour au lendemain, inclus dans le plan de gestion d'urgence. Et je recevais l'information en route. Il n'y avait pas de fax encore à l'époque. Hein. Au début des années 80, le fax n'existait pas. Et donc, quand je recevais un appel, que j'appelais, et là, j'avais la personne que je devais rappeler qui me disait, voilà, il y a eu tel incident, il y a eu tel problème, ce qui me permettait de prendre le métro ou ma voiture et d'aller au bureau et de rapidement, sur une machine à écrire à boule, taper un communiqué de presse et de rapidement quitter le bureau, aller jusqu'à l'agence Belga et donner le communiqué de presse à l'agence Belga qui le transformait en... on a fait encore ça de télégramme, des petites bandelettes comme ça avec des petits trous. Non, c'était pas des télégrammes, ça s'appelait des... Avec des petits trous, des... Oh là là. C'était des petites bandelettes comme ça avec des trous. Toutes les lettres étaient changées par des trous et alors à l'autre bout, ça décodait, etc. Enfin, bref. Le communiqué était envoyé dans toutes les rédactions. Eh bien, ça peut sembler stupide ce que je vous évoque. Mais ce jour-là, les ingénieurs des centrales nucléaires m'ont pris au sérieux. Ce jour-là, ils ont compris que j'avais envie de savoir comment ça fonctionnait et que je m'intéressais à leur job et que j'étais pas simplement un rigolo qui venait simplement aux heures de travail, etc., et qui pouvait compter sur moi. Et donc, j'ai été informé de chaque incident, ce qui m'a obligé à chaque fois à comprendre les incidents. Mais je ne suis pas ingénieur nucléaire. Et donc, il a fallu que je m'implique et je m'intéresse. Et que donc, je demande des explications et que j'apprenne tous ces métiers, tout ce qui était propre à ce métier. Ce n'était pas tout. Parce que si j'avais simplement pris le langage des ingénieurs nucléaires et que je l'avais retranscrit dans un communiqué de presse, et que j'avais diffusé les communiqués de presse dans le langage des ingénieurs, je peux vous dire que ça aurait été folklorique de voir ce que les journalistes en auraient retiré. Donc, il fallait traduire. Traduire. Parce que expliquer dans un communiqué de presse qu'il y a eu une perte de vapeur sur le circuit secondaire de l'alternateur du troisième pressuriseur, ça ne voulait pas dire grand-chose. Donc il fallait arriver à transformer. Alors ça peut vous sembler curieux parce qu'aujourd'hui, évidemment, je vois comment les centrales nucléaires sont gérées en Belgique. Je vois combien Electrabel a un mal de chien à continuer à communiquer. C'est normal. Il y a aujourd'hui des gentilles madames qui ont 20 ans moins que moi, qui ne savent pas comment fonctionne la centrale et qui estiment que pour elles, il faut communiquer sur les incidents que quand c'est grave. Et ce qui est grave, c'est leur bon vouloir à elles. Moi, j'avais pris le pli très rapidement de communiquer sur chaque incident. Mon objectif était de communiquer sur chaque incident pour ne pas permettre au bourgmestre, pour ne pas permettre à Greenpeace, pour ne pas permettre au syndicat de prendre le contrôle de l'information et de la gérer. Si nous devions gérer l'information, il fallait que nous soyons les premiers à communiquer. Et pour être les premiers à communiquer, il fallait communiquer dans un langage accessible, il fallait que je sache à qui je m'adresse. Alors ça, c'était facile. Je faisais des communiqués de presse, c'était pour les journalistes. Donc je connaissais le niveau de connaissance des journalistes. Et je pouvais commencer à travailler. Et en travaillant de cette manière-là, très vite, je me suis aperçu que moi, je ne comprenais pas toujours tout. Et que les journalistes non plus. Et que donc, je me suis dit, quoi de plus intelligent que d'inviter les journalistes avec lesquels j'avais le plus souvent de contact et de leur dire, tiens, ça t'intéresse de venir ? Le réacteur de Tiange 1 est à l'arrêt pour révision. Tu as envie de rentrer dans le réacteur pour voir comment ça fonctionne ? Oh oui, bien sûr. Un journaliste qui peut aller dans un réacteur et monde prêt, faire des photos et faire un article, ça ne se fait pas tous les jours. Ben oui, bien sûr. Et moi, ça me permettait d'apprendre, de rentrer, et le journaliste aussi, et de construire une relation avec le journaliste. Relation de confiance, montrant ce qui se passe, comment ça fonctionnait. Bien entendu, tant que c'est des petits incidents, ce n'est pas un problème. Tant que c'est des incidents pas catastrophiques, il faut d'abord expliquer aux journalistes et à l'opinion publique, que dans une centrale nucléaire, et à l'époque, dans les années 80, on avait réussi, on le faisait. et les journaux traduisaient ce langage. Aujourd'hui, on ne voit plus rien, on parle d'incident, n'importe quoi, et on en fait un accident de centrale nucléaire grave. Alors que dans une centrale nucléaire, il y a trois parties. Il y a le réacteur nucléaire en tant que tel, qui est la partie nucléaire, mais il y a deux autres parties qui sont tout aussi essentielles, tout aussi susceptibles d'avoir des incidents, qui sont exactement les mêmes que dans une centrale au charbon, au gaz ou au pétrole, ou même au bois, ou même qu'une éolienne, et pourtant, elles peuvent tomber en panne. Quand une éolienne est en panne, est-ce que vous voyez qu'on vous fait un communiqué de presse? Est-ce que la RTBF vous dit que les trois éoliennes des cinq qui se trouvent le long de l'autoroute, machin, sont arrêtées parce qu'elles sont en panne? Non, ça n'intéresse évidemment personne. Par contre, le même incident sur la même partie dans une centrale nucléaire, qui est exactement de la même manière, ça fait tout de suite un gros problème. Donc le travail était d'expliquer, quelque part, que où se situait l'incident, dans quelle partie, quels étaient les risques qu'on encourait, de quoi il s'agissait. Et donc tout ça était intéressant et on faisait un travail. Et en plus de ça, on a commencé à faire des communiqués de presse tous les mois. C'est-à-dire qu'on faisait un bilan du mois écoulé, dans lequel on expliquait aux médias, voilà ce qui s'est passé, voilà pourquoi. Et donc, il y avait des tas de choses, des tas de situations qui aujourd'hui font l'objet de communication des médias en disant encore un incident à la centrale de Tianjin, elle est arrêtée pour 3 semaines. Et c'est présenté négativement. À l'époque, c'était présenté positivement. Puisque quelque part, on expliquait que ce n'était pas un incident, ce n'était pas une panne, c'était une révision. Quand vous avez une voiture, vous vous arrêtez pour faire le plein, vous allez vérifier la pression des pneus, vous allez de temps en temps vérifier le niveau d'huile. Eh bien, dans une centrale nucléaire, on fait la même chose. Comme dans un avion, d'ailleurs. Est-ce que c'est pour ça que c'est dangereux? Quand vous vous arrêtez, vous faites le plein, vous vérifiez la pression des pneus, vous vérifiez le niveau d'huile ou le niveau d'eau dans votre voiture, est-ce que c'est pour ça qu'elle est dangereuse? Elle n'est pas plus dangereuse. Au contraire, le fait de s'arrêter pour vérifier, c'est pour vérifier que tout soit bien en état et qu'elle fonctionne. Eh bien, c'est la même chose dans les machines industrielles et donc dans les centrales nucléaires aussi. Et à l'époque, on a fait des émissions de télévision en direct du réacteur pendant les périodes de révision, on a fait des plateaux de TV, on a fait toute une série de choses. Les gens voyaient la centrale nucléaire. Elle était vivante, c'était quelque chose qui était présent. Et les gens se rendaient compte. On emmenait des groupes, des étudiants, on emmenait des gens voir à l'intérieur des centrales. On avait des dizaines de milliers de visiteurs. Aujourd'hui, Electrabel est une société gérée en France par le groupe Engie, qui n'en a strictement rien à cirer, qui ne fait plus visiter, ou quasiment plus visiter, qui, sous des prétextes fallacieux de danger, de terrorisme et autres, ne permet plus aux gens de visiter à l'intérieur des réacteurs. Bon, ben voilà, c'est un choix. Ben, ils accepteront les conséquences. C'est que, quelque part, personne n'a confiance dans ce qu'ils disent, évidemment. Mais à l'époque, on était francs et on fonctionnait. Puis, tant qu'on est dans ce domaine-là, non seulement j'avais gagné la confiance des ingénieurs et des dirigeants des centrales, mais j'hésitais pas à intervenir dans tous les plateaux où on discutait sur les centrales nucléaires. Et à chaque incident, on pouvait intervenir. Lorsqu'il y a eu l'accident de Tchernobyl, c'était très simple. Les médias se sont tournés vers moi, quasi en masse, en disant, vous ne voulez pas nous expliquer c'est quoi ce réacteur? Est-ce que c'est un comme en Belgique? Est-ce que c'est différent? Vous ne vouliez pas venir expliquer en quoi ce réacteur est le même ou pas le même? Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Et donc, on s'est intéressé. Je me suis intéressé. Je n'ai pas attendu. Je veux dire, le jour où à la radio, on a parlé des problèmes à Tchernobyl, la première chose que j'ai fait, c'est aller au bureau d'études où se travaillent tous les ingénieurs, aller dans leur bibliothèque, chercher dans les magazines d'ingénieurs nucléaires, trouver des cartes, des photos de Tchernobyl. Je rappelle que il y avait un mur, hein, c'était l'Union soviétique à l'époque. Donc il n'y avait pas facile de trouver un ingénieur qui m'explique comment fonctionne le réacteur de Tchernobyl, en quoi il était comparable et en quoi il était différent de nos réacteurs en Belgique, et le plus vite possible de transformer ça en un dossier de presse avec des schémas, des dessins simples à comprendre, faciles à publier, et donc de vulgariser. Est-ce que l'objectif était de dire que Tchernobyl, c'était pas grave? Pas vrai du tout. Je peux vous apporter ici les brochures que j'ai publiées. Tchernobyl était une catastrophe. Il y a eu des centaines, voire des milliers de morts liées aux irradiations, essentiellement pas au moment de l'accident, mais après, parce que c'était géré par des pays qui n'avaient aucune... par des États plutôt, des pouvoirs qui n'avaient aucun respect pour les êtres humains et qui voulaient qu'une seule chose, c'est cacher les choses le plus vite possible. Mais pour le reste, il fallait être le plus transparent, emmener les journalistes sur place le plus vite possible. Dès que c'était possible, on a emmené des journalistes et on est allé sur place. Donc, prendre la place, montrer qu'on s'intéresse au sujet. Vous avez le respect de vos sources. Les ingénieurs, les patrons vous respectent. Ah, ils se mouillent pour nous. Et en plus, il traduit et il explique ça dans un langage qui a l'air de faire en sorte que les journalistes comprennent. Ah, les journalistes commencent à ne plus dire n'importe quoi sur ce qui se passe. À l'époque, j'étais jeune, et donc j'avais encore des copains qui, eux, étaient encore en phase finale d'études de médecine, qui évidemment se foutaient de ma gueule, parce que mes copains, c'était toujours « Ah, voilà celui qui défend l'indéfendable », parce que le nucléaire, c'était pas bon, bien sûr. Donc j'étais, quelque part, celui qui défend l'indéfendable. Aujourd'hui, je suis très heureux, des années plus tard, entendre notamment une de mes meilleures amies, qui est médecin à Bordeaux, cette université ici spécialisée, qui est l'hôpital belge de référence en matière du cancer, et qui s'occupe des phases finales, c'est-à-dire les gens dont on ne peut plus rien faire en traitement, et des situations d'euthanasie. Et Isabelle, qui m'a beaucoup charrié pendant des années, a eu la visite ici à Bordeaux d'une équipe de France 2. J'allais dire Antenne 2, ça fait un peu vieux quand même. Une équipe de France 2 qui est venue pour faire un reportage sur l'euthanasie. Comment est-ce possible l'euthanasie, etc., etc. Et cette copine qui m'a charrié pendant des années, c'est vraiment une très bonne amie, mais qui m'a toujours charrié en disant « Arrête, arrête tes centrales nucléaires, quoi, ça suffit, c'est les machins qui tournent pas, etc., c'est dangereux, etc. » Et d'ailleurs, les journalistes ont raison, ou Greenpeace a raison, ceci et cela. Et puis, après le passage de l'équipe d'antenne de France 2 il y a 2 ans, je crois que ça s'est passé il y a 2 ans, il a vu le résultat du reportage qui est passé à envoyé spécial. Mission réputée, hein, formidable. Elle m'a dit, c'est scandaleux. Non seulement le reportage est scandaleux, mais c'est manipulé, ce n'est pas la vérité, c'est transformé. On leur a dit qu'on ne leur permettait pas d'interroger les patients sans l'accord des patients et des familles. Ils sont allés interroger... Oula, il y a un problème. Il y a une fissure dans le réacteur. Hop là, oui, non. À mon avis, il faut arrêter le réacteur. Et donc, quelque part, elle dit, mais c'est scandaleux, j'ai expliqué, j'ai passé un temps fou à raconter, etc. Et alors, elle m'explique comment ça s'est passé, etc. Je dis, qu'est-ce que tu as pris comme précaution? Qui était là? Vous aviez un responsable communication de l'hôpital qui était avec vous pour encadrer? Ah non, on a été livré à nous-mêmes, à cette équipe. Et voilà. Bon, ben, on a laissé faire. Il était clair. Elle l'avait senti dès les rencontres avec la journaliste, que la journaliste, quelque part, ne faisait pas un travail de journalisme. Elle était clairement opposée à l'euthanasie. La journaliste était clairement opposée à l'euthanasie. C'était clair. Le dossier était à charge. Voilà. Quand vous êtes confronté à un journaliste qui a d'emblée pris la décision que ce que vous allez faire et tout ce que vous allez dire peut être retenu contre vous et que de toute façon, ce que vous faites, c'est scandaleux, c'est inacceptable, parce que de toute façon, le ou la journaliste, lui, sait ce qui est bien pour la population, bien, à ce moment-là, vous arrêtez. Ça ne sert à rien de discuter avec les gens comme ça. Mais ce n'est pas des gens qui font du journalisme, ça. Ça, c'est des cas, un petit peu, ça arrive, c'est rare. Si, par contre, vous pouvez construire une relation avec les journalistes, et une relation avec un journaliste, c'est une relation de confiance qui se construit dans la durée, et que vous allez avec le journaliste, que vous lui montrez, que vous répondez à cette question, que vous êtes disponible tout le temps, que vous êtes transparent, mais que lui est transparent dans l'autre sens, qu'il est correct, que quelque part, il prend vos informations, mais il va également prendre les informations de l'autre côté, mais qu'il présente les deux points de vue et qu'il laisse le lecteur ou l'auditeur ou le spectateur capable de se faire le jugement lui-même en entendant les différents échos, pas de problème là-dessus. Et donc ça, les relations avec la presse, ça se construit dans la durée et la disponibilité, ça se construit dans la durée. Donc voilà comment, pendant des années, j'ai été le porte-parole des centrales nucléaires, belge, et aussi à l'international, que j'ai été à Tchernobyl 10 jours, après, au moment du 9e anniversaire, qu'on a discuté avec des collègues de différents pays, avec les collègues ukrainiens, et que quelque part, je me suis construit une crédibilité dans ce domaine-là. Et encore aujourd'hui, c'est assez amusant, c'est que quand il y a des gros problèmes à Tianjin ou à Douvres, les vrais journalistes experts qui connaissent bien la matière m'appellent pour expliquer. Ils ne peuvent pas me citer, je ne peux pas, parce que je suis toujours dans le secteur de l'énergie, dans une autre entreprise qui n'a rien à voir, et je ne peux pas être à la fois le porte-parole de quelque chose que je ne représente plus. Mais les journalistes, fréquemment, et de grands quotidiens, et de grands journaux, et de télévision, m'appellent en me demandant « Qu'est-ce qui s'est passé à Fukushima ?» Je me souviens encore, la nuit du tsunami, etc. Alors que je ne travaillais plus dans les centrales nucléaires depuis plus de 10 ans. Mais on a construit une relation qui faisait que je respectais les destinataires, c'est-à-dire les journalistes. J'ai veillé à leur expliquer, j'ai tout mis en œuvre pour qu'ils aient la plus grande transparence sur tout. Et de l'autre côté, j'avais obtenu la confiance de mes sources, c'est-à-dire des spécialistes, des experts, qui quelque part m'aidaient en m'expliquant à traduire, à digérer de l'information complexe et à en faire une information accessible à tout le monde. C'est à force de m'imposer aussi que j'ai obtenu d'être contacté tout le temps, de faire des communiqués au moindre incident. Parce qu'il est beaucoup plus facile de communiquer quand il s'est passé quelque chose, soi-même, que de devoir réagir quand quelqu'un d'autre a communiqué à votre place. Et donc, ça, c'est toute la problématique qui tourne autour de la crédibilité que l'on doit avoir et de la manière dont on doit se comporter avec une certaine humilité. Celle qui consiste à dire « je ne sais pas, explique-moi ». Et quand je vais aller expliquer, je vais essayer d'expliquer le mieux possible aux gens qui sont en face de moi, que ce soit sur un plateau de télévision, ou que ce soit en radio, ou que ce soit un journaliste, ou que ce soit un débat dans un comité de quartier qui s'oppose à la construction d'une ligne haute tension, ou que ce soit quelqu'un qui s'oppose à un groupe d'opposants à une usine chimique, ou que ce soit ceci ou cela, ou la construction d'une station de métro à proximité, ou des travaux de réfection des égouts, etc. Bref, c'est toute la problématique de l'acceptance, par exemple. Hein, ce qu'on appelle le public acceptance en termes de communication. C'est communiquer pour faire comprendre aux gens et faire accepter aux gens et faire comprendre aux gens. L'humilité, par exemple, c'est ne pas venir et dire « moi je sais et je vais vous dire ce que vous devez croire ». Ce qui est important, c'est de respecter votre audience et de donner à votre audience les clés et les éléments pour qu'elle comprenne. C'est ce que je vais essayer de faire, par exemple, dans mon cours. C'est partager avec vous l'expérience et vous donner les clés pour que vous puissiez vous-même faire ce métier à votre sauce, à votre manière, mais en incluant l'expérience acquise par le passé. Vous ne ferez pas la communication quand vous aurez mon âge. Si vous avez fait votre carrière dans la communication, ben vous n'aurez probablement pas fait la même chose et le même parcours que moi. Vous l'aurez fait autrement. Parce que la société a évolué, mais parce que vous êtes chacun des individus qui fonctionnaient différemment. Donc, ça, c'est une chose qui est vraiment importante, s'intéresser au sujet. Et donc, vous voyez que pour le moment, on parle très peu de communiquer. On parle essentiellement d'abord de se renseigner, de s'intéresser au sujet, de comprendre le sujet. Vous verrez que quand on va aborder le chapitre de la communication sociale, on va parler de la loi Renault, des plans de communication quand on licencie. Quel est le cadre légal dans ce pays? Comment peut-on communiquer? Il y a des règles strictes qui doivent être strictement respectées en matière de licenciement. et en matière de communication autour du licenciement. On va parler de communication financière. Et il y a des règles strictes pour les sociétés cotées en bourse. Elles ne peuvent pas communiquer comme elles veulent, quand elles le veulent. Et on va voir tout ça ensemble. Et vous allez voir qu'avant de communiquer, la première chose, c'est de comprendre le cadre, les règles, ce qui encadre le métier. On ne peut pas faire ce qu'on veut. Il y a un cadre, il y a des règles, il y a des normes, il y a des heures, des moments à respecter. De même que les publics auxquels on s'adresse. Si je m'adresse aux médias, aux journalistes, mais les besoins des journalistes ne sont pas les mêmes. Un journaliste de la presse écrite qui écrit dans un quotidien, il doit publier son article pour une certaine heure. Passé cette heure-là, son papier ne sera plus produit. Il n'a pas la place qu'il veut, selon ce qu'en conférence de rédaction le matin on a décidé de lui donner une colonne, une demi-colonne, une demi-page, un quart de page, avec une photo, sans photo, avec la possibilité d'infographie ou pas d'infographie. Ça, c'est déjà pour le journaliste de la presse écrite. Pour le journaliste radio, il y a des heures où il y a des journaux, bien que maintenant, il y a des chaînes d'infos en continu. Même chose pour les télévisions. Maintenant, quelque part, le journaliste, il est dépassé. Il est dépassé sur sa gauche, il est dépassé sur sa droite, il est dépassé par en dessous, il est dépassé par au-dessus, le journaliste. Et les médias sont dépassés. Ils sont dépassés par quoi ? Ils sont dépassés par les réseaux sociaux, par Instagram, par Twitter, par Facebook, par 36 000 choses qui font que l'information va beaucoup plus vite. Beaucoup plus vite que ce qu'on peut prévoir. Et donc, je vous ai raconté tantôt sur le petit sémaphone pour arriver à communiquer avant sur les incidents, avant que ce soit la presse qui en parle sur base de déclarations de Greenpeace ou de la bourgmestre ou des syndicats. J'ai pu combattre ça parce qu'à l'époque, les outils de communication étaient limités. Aujourd'hui, c'est clair que c'est plus comme ça. Je dis qu'il faut mettre en place des mécanismes à l'intérieur de l'organisation, qu'il faut qu'on utilise les mêmes outils pour réagir avec les mêmes vitesses. Et aujourd'hui, il ne faut même plus être journaliste. Je fais une photo d'une explosion gaz dans un appartement du troisième étage d'un immeuble au boulevard Hanspach. Je passe, ça explose, je prends mon smartphone, je fais une photo, j'envoie à la RTBF et c'est déjà parti. Ou j'envoie à la DH, ou j'envoie à un blog quelconque et c'est parti. Ou sur Twitter maintenant, même pas. Si je suis quelqu'un qui a beaucoup de suivi, etc., la photo va partir et c'est parti. Ah, je suis là, boulevard Hanspach, il vient d'avoir une explosion au biogaz, l'appartement du quatrième brûle, les pompiers ne sont pas encore arrivés, voilà, etc. On voit toute l'actualité, on l'a vu avec les attentats, le terrorisme. Aujourd'hui, tout se vit en direct et instantanément. Ça veut donc dire que les communicateurs doivent être plus que jamais sur le terrain et disponibles 24 heures sur 24 également. Est-ce que ça veut dire que vous devez être constamment sur Twitter, etc. pour suivre ? Non, il faut s'organiser et il faut se poser la question si votre entreprise doit être présente et réagir à tout moment. Il faut qu'on voit aussi qu'est-ce qui est une crise et qu'est-ce qui n'est pas une crise. Est-ce qu'un client qui envoie sur Twitter un message désagréable pour la compagnie United parce que cette personne a raté son avion, qui a eu un overbooking, etc., et qu'elle n'a pas pu prendre. Bon, c'est un client. Certes, aujourd'hui, c'est un client qui n'est pas content, insatisfait. Certes, c'est sûr, c'est public, parce que des tas d'autres gens peuvent le voir. Mais est-ce que c'est une crise ? Non, c'est pas une crise. C'est une situation de gestion de clientèle. C'est une plainte à gérer avec sérieux, tout client a droit au respect, mais ce n'est pas une crise. Aujourd'hui, on a un peu tendance à croire qu'avec les médias sociaux, tout est de moindre chose non positive sur Instagram, Twitter ou autre, c'est une crise. Non, ce n'est pas une crise. C'est un incident qu'il faut gérer, mais ce n'est pas une crise. Par contre, une usine qui ferme 2 000 emplois directs qui sont terminés et 5 000 indirects, ça, c'est une crise. C'est une crise parce que ça touche les autorités publiques, ça touche tout le monde, ça touche toute une région. Ça, c'est une crise. Oui ? On reviendra là-dessus puisqu'il y aura un chapitre sur la crise, ne tracassez pas. Mais pour moi, si vous voulez, ce qui est crise, c'est d'abord des choses qui sortent du processus normal. Pour moi, un client qui rate son avion dans une compagnie aérienne, c'est normal. C'est des choses qui se passent tous les jours. Je veux dire, si vous êtes une compagnie comme United Airlines, vu le nombre d'avions que vous avez aux quatre coins du monde, vu la problématique de la navigation aérienne, il y a à peu près tous les jours des problèmes. Vu qu'aujourd'hui tout se fait par Internet sur les bookings et autres, qu'il y ait des erreurs d'overbooking et des problèmes, ça se fait tous les jours. Qu'une hôtesse soit désagréable, qu'un opérateur, un steward à un comptoir, ne veuille pas prendre en compte la demande d'un client et que le client vous fait via Facebook, oui, on est dans la gestion commerciale, dans la gestion clientèle, on n'est quand même pas dans la gestion de crise. Même si c'est sur Twitter, je suis d'accord. Si maintenant, évidemment, la personne qui est sur Twitter est une personne qui a, je ne sais pas moi, 50 000, 60 000, 500 000 followers, parce qu'elle est journaliste de CNN ou qu'elle est sur Huffington Post ou quelque chose comme ça, ça c'est déjà différent. C'est plus une cliente comme une autre. Est-ce que c'est une crise ? C'est pas encore une crise. C'est une petite crisette, c'est un sujet assez particulier. C'est un client qui a un problème, c'est un client pas comme les autres, donc il va falloir prendre en main. Parce que sa capacité de nuisance est importante. Est-ce que je dois utiliser la même les mêmes outils, la même réaction, la même mise en œuvre de moyens pour réagir pour la cliente lambda qui a le même problème ? Alors, est-ce que ça veut dire qu'il y a des gens à un niveau différent ? Mais bien sûr qu'il y a des gens et des traitements différents. Et qu'il y a des gens qui ont droit à des traitements différents simplement parce qu'ils sont différents. Parce qu'ils ont une situation et une faculté de nuisance qui est telle que, quelque part, dans toutes les organisations, on va les traiter différemment. Je ne vais pas être naïf. Je ne vais pas vous dire non, tous les clients doivent être traités de la même manière, etc., etc. Mais bien sûr, dans toutes les organisations, certains... C'était la même chose à l'époque avec les journalistes. Quand un journaliste téléphonait, il y avait une Peugeot et qui téléphonait à Peugeot, ma Peugeot est en panne, vous rendez compte, je viens de l'acheter, elle est déjà en panne. Chez Peugeot, si on savait qui était le journaliste, hein, oula, ça c'est un journaliste du soir, waouh. Ou bien c'est le présentateur du JT, ouf. C'est évident qu'on prenait différemment. On prend différemment les gens parce qu'ils ont des facultés de nuisance qui sont telles que l'on va être attentif à tout ça. Alors c'est le premier jour, donc je vais un peu partout. On va aborder tous ces sujets, on va le vivre avec des cas véridiques, on va en parler avec des cas véridiques. Donc je vous dis qu'il y a quelques références sur le blog en termes de bibliographie. Je vous invite à le lire. Le cours parle des organisations plutôt que communication des entreprises. Pourquoi je parle des organisations ? C'est pas des entreprises, parce que pour moi, je vais vous poser la question. Quelle est la différence entre organisation et entreprise ? Est-ce qu'une organisation est une entreprise ? Non, vous avez raison. Est-ce qu'une une entreprise est une organisation ? Oui. Est-ce que l'ULB est une organisation ? Oui. Est-ce que Greenpeace est une organisation ? Oui. Est-ce que les Nations Unies, c'est une organisation ? Oui. Est-ce que le cabinet du ministre des Finances, c'est une organisation ? Oui. C'est même une institution. Et donc, quelque part, si moi je préfère utiliser le terme d'organisation, c'est parce que je pense que les bases, les fondamentaux de la communication s'appliquent à toutes les circonstances, à toutes les organisations. Et ça va depuis le comité de quartier, avec des gens bénévoles qui décident de s'opposer à la construction d'une rame d'une ligne de train qui va passer ou d'une bretelle d'autoroute, ou un grand chantier de construction d'une usine ou de quoi que ce soit, ce comité de quartier, s'il s'organise convenablement, il va s'organiser et il va faire de la communication et il va communiquer. Eh bien, s'il veut communiquer convenablement, il utilisera les mêmes fondamentaux qu'à l'autre bout, la société cotée en bourse, Apple ou Tesla. Sauf qu'ils n'auront pas les mêmes moyens, mais les fondamentaux sont les mêmes. Les fondamentaux de communication d'une ONG comme Greenpeace ou comme le WWF, ou comme Amnesty International et le groupe Volkswagen, ou la banque Deutsche Bank, les fondamentaux sont les mêmes. Il y a des spécificités qui sont propres à chacune de ces organisations, mais les fondamentaux de la communication sont les mêmes. Donc, je parle d'organisation. Autre petit élément, vous avez remarqué que je parle de communicateur. Dans la plupart des ouvrages francophones, on parle de communicant. Les Français aiment bien utiliser le mot communicant. Voilà. Juste pour vous aider, communicateur, communicant, c'est la même chose. Ça va? Alors, autre élément, j'en profite. La bibliographie est principalement francophone, mais il y a quand même des ouvrages en anglais aussi. Quand vous travaillez sur votre mémoire, quand vous travaillez sur les travaux à remettre, la littérature n'est pas que la littérature francophone. Surtout que le problème de la littérature francophone, c'est qu'il y a très peu d'ouvrages belges sur la communication et qui sont essentiellement français ou québécois. Et que donc, les quatre particularités propres à la Belgique ne sont pas repris ou évoqués. Donc, ça c'est l'avantage de suivre le cours plutôt que de se référer que aux ouvrages. Alors, moi j'aimerais bien quelque part vous citer une définition qui me plaît beaucoup. C'est la définition du petit Robert sur la communication. Ça peut sembler un peu banal, mais c'est important d'écouter chaque mot. Action d'informer ou de promouvoir son activité auprès d'un public, d'entretenir son image par tout procédé médiatique. Qu'est-ce qu'on retient là-dedans? Par tout procédé médiatique, c'est les outils. Par Instagram, en digital, par écrit, à la télévision, bref, c'est les procédés médiatiques. Entretenir son image. On va revenir sur la problématique de l'image. Et donc, c'est l'action d'informer ou de promouvoir. Donc, on informe ou on fait la promotion. Hein, promouvoir, c'est faire la promotion. Quelle est la nuance entre informer et promouvoir? Qu'est-ce que vous ressentez quand vous entendez ces deux mots-là? Oui. Oui. Quelqu'un a un autre avis? Oui. Vous voyez qu'on a déjà des interprétations, on est dans la finesse, mais madame a dit informer, ça peut être positif ou négatif, et vous êtes d'emblée déjà dans une image où, en principe, l'information est censée être positive. Hein? Objectif. Oui, on entend souvent. Hein? Et informer, c'est souvent les journalistes. Les communicateurs, on dit qu'ils communiquent. Et le journaliste informe. Et donc, il y a cette notion d'objectivité, parce que ça vient parfois du monde des journalistes. Donc, action d'informer et de promouvoir son activité. Alors, l'activité, ça peut être une multitude de choses. Hein. Ça peut être un produit, un service. Ça peut être un combat. Greenpeace, c'est des combats qu'ils mènent. Ça peut être une multitude de choses. Comme je vous ai dit, ça part depuis un comité de quartier, ça peut être une ONG, ça peut être donc énormément de choses. C'est faire valoir ou promouvoir son activité auprès d'un public, un public. Donc c'est un public bien précis. Il peut en avoir plusieurs, mais en tout cas ça veut dire que les publics sont définis. Et d'entretenir son image. Et donc là, j'aimerais bien un peu avoir votre avis. C'est quoi d'entretenir son image? Quoi l'image d'une organisation? Oui. Il y avait un autre main, oui. S'il vous plaît. Ces valeurs, l'image, ce sont les valeurs. Oui, c'est un petit peu, mais c'est pas que ça. Oui, madame. La réputation. Oui. Sa relation avec les clients. Qu'est-ce que ça peut être encore l'image? Oui. Un stéréotype, effectivement, oui. Si quelqu'un n'est pas d'accord avec ce que quelqu'un dit, on peut avoir le droit à la parole. Hein. Donc je vous le dis, ou si il m'arrive de ne pas être d'accord, mais pour le moment, je suis satisfait avec ce que j'entends. J'ai vu une main qui se levait là, oui. L'image, c'est la promesse. Expliquez-vous. C'est fatigué, je suis fatigué aussi. Vous ne tracassez pas après, je... Les avantages que vous donnez au public pour le convaincre. Ouais. D'accord. Quelqu'un d'autre ? Pour moi, l'image d'une organisation, par exemple, c'est le résultat de la somme des images que peuvent percevoir les différents publics de cette organisation. Donc, là, à peu près tous ceux qui ont répondu, on retrouve la perception, différents publics, c'est la somme des images. Si je vous demande, par exemple, maintenant, et j'en vois beaucoup, hein, et j'en vois chaque année toujours autant, les jolies petites pommes sur les couvercles, hein. Parfois il y en a qui trafiquent leurs pommes, la marque Apple. Quelle image ? Qu'est-ce que ça évoque pour vous en termes d'image, Apple ? Fiabilité. Fiabilité. Vous avez droit qu'à un mot chacun. Alors, fiabilité. Quelqu'un d'autre ? Apple. Simplicité. Qualité. Intuitif. Je ne regarde pas assez par ici, mais n'hésitez pas. Hein. Oui ? Cher. Monopole. Marketing. Design. Oui. Oui. Voyez, on parle de l'image, on parle d'une marque. Vous avez tout ce qu'on entend. Je suis sûr que si on continue, on va encore avoir plein de choses. Alors, il y avait déjà une remarque qui détonnait déjà avec les autres. Parce qu'à peu près tous les autres, c'était quand même des éléments d'image plutôt positifs. Puis, il y a quelqu'un là qui a dit cher. C'était qui ? Oui. Cher. Bah oui. Effectivement. C'est une marque chère. C'est clair ? Oui. Si je vous dis, alors pour les étudiants étrangers, je m'excuse, c'est quand même, on est en Belgique, donc j'essaye quand même d'avoir un référent un peu plus belge. Donc, si je vous dis Testacha. Objectivité. Qu'est-ce que je... Objectivité. Objectivité. Comparaison. Défense des consommateurs. Payant. Oui. Confiance. Je désespère. Je me déconfie là. Je suis comme Amélie Poulain. Je vais me liquéfier quand j'entends. Qu'est-ce que j'ai entendu ? Il y a eu objectivité. Testacha objectif. Tout le monde est d'accord ? Non ? Pourquoi ? Parce que ? Parce que c'est un lobby ? Non, c'est pas un lobby, mais je pense que dans l'organisation, il y a quand même des gens qui sont influencés. Parce que dans l'organisation Testacha, il y a des gens qui sont influencés. Quelqu'un d'autre qui n'est pas d'accord avec le fait de... Dans toutes les organisations, les gens sont influencés. Dans toutes les organisations, les gens sont influencés. Il faut payer aussi, c'est ça que je veux dire. Oui, il faut payer pour être membre, oui. Quelqu'un dit défense des consommateurs ? Oui ? Ils sont défenseurs des consommateurs ? Ils sont censés l'être, ok, ils sont objectifs, ils sont censés défendre les consommateurs. Savez-vous que Testacha, qui est né dans les années 60, est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ce qu'est Testacha ? Levez la main, n'ayez pas peur, s'ils ne savent pas. Bon, alors j'explique. Testacha est une association de consommateurs. En tout cas, c'est le nom qu'elle s'est donné et c'est comme ça qu'elle s'est créée. C'est une société coopérative née dans les années 60, née de gens qui se sont mis ensemble et qui ont dit, nous sommes des consommateurs, nous mettons nos moyens ensemble et nous allons faire des comparaisons de produits, mais de manière objective, nous allons pouvoir dire que tel produit est moins bon que tel autre produit. Tel jus d'orange contient ceci et cela, tel autre contient ceci ou cela. Dans les années 60, l'intention était merveilleuse. C'était vraiment une société coopérative, c'est-à-dire des gens, c'est des petites gens qui ont mis des fonds ensemble, il n'y avait aucun groupe, rien derrière. Ça, c'était dans les années 60. Qu'est-ce que t'as cet achat aujourd'hui ? Alors, je vais d'abord poser la question, ça ne changera rien à ce que je vais dire, mais juste quand même pour savoir, y a-t-il quelqu'un qui a un lien avec tes achats, un parent, un proche, ou quoi que ce soit ? Non, ça, mais je vous dis, ça ne changera rien à ce que je vais vous raconter, parce que je suis très tranquille sur ça. Et je m'entends très bien avec Madame Frère et Jean-Philippe Ducard, qui sont les porte-parole et les directeurs de communication. Ils savent très bien comment je fonctionne. J'ai beaucoup de respect pour eux, j'ai beaucoup travaillé avec eux, moi étant côté de l'organisation et des entreprises, eux étant dans leur situation. Néanmoins, ils savent très bien mon argumentation. Testachat aujourd'hui, c'est une multinationale. Ce n'est plus une société coopérative. Elle est propriétaire, elle a racheté des associations de consommateurs en Italie, au Portugal, en Suisse, aux quatre coins du monde. Ce n'est pas des associations, hein, ils ne se sont pas mis ensemble. Elle a racheté, donc c'est une institution, c'est une entreprise aujourd'hui, réellement, avec des gens. C'est une entreprise qui, effectivement, continue à surfer sur cette image de défense du consommateur, d'objectivité, de comparaison. Alors elle fait des comparaisons. Quelle est la valeur de ces comparaisons ? Sont-elles réellement objectives ? Sont-elles vraiment ? On peut se poser des questions à partir du moment où l'organisation, quelque part, n'est pas neutre, puisque cette organisation se pique de comparer, par exemple, les banques, mais elle offre des services bancaires. Elle se pique de comparer les prix de l'électricité entre les fournisseurs d'électricité, mais elle offre à ses membres des contrats favorables. Elle offre à ses membres des cartes Visa. À partir du moment où vous êtes vous-même un acteur commercial et vous vous mettez en concurrence avec ceux que vous êtes censé juger et être observateur, je me suis dit, vous n'êtes plus une association de consommateurs. Vous êtes un lobby, comme l'a dit madame. C'est-à-dire que quelque part, vous défendez l'intérêt de vos membres, vous essayez d'obtenir sur un marché des avantages pour vos membres, mais vous n'êtes plus une association de consommateurs. Donc voilà comment une organisation qui est née dans les années 60 et qui correspondait au schéma que vous avez dit, continue à surfer sur son image alors qu'elle n'est plus du tout cela. Ouvrez le site de Testachat, ouvrez le magazine de Testachat et vous verrez que j'ai raison. Ils vendent des assurances, ils vendent des comptes bancaires, ils vendent des contrats d'électricité et de gaz. Ils vendent toute une série de services. À partir du moment où vous êtes un acteur d'une activité, vous ne pouvez plus être considéré comme quelqu'un d'objectif qui fait des comparaisons objectives. En tout cas, c'est mon point de vue. Vous pouvez ne pas le partager, évidemment, bien entendu, mais c'est mon analyse. Ceci pour vous dire que, quelque part, une même organisation qui a une image, dans le temps, évolue et change. Donc, l'image, c'est quelque chose qui évolue. Pourquoi est-ce que je dis que c'est la somme des images ? Dans deux minutes, j'arrête. Hein. Je vous rassure, c'est un peu plus tôt vu que vous êtes nombreux. Mais donc, ce qui est important, c'est pourquoi c'est la somme des images. Et parce que, vous l'avez déjà vu par le petit exercice que l'on fait ici, nous n'avons pas tous les mêmes références, le même référent. Je suis sûr que si maintenant un institut de sondage vous prend à la sortie de cet auditoire, vous m'avez vu pour la première fois, et vous interroge pour savoir comment vous m'avez perçu, il va y avoir une certaine variété. Certains vont dire, pour qui il se prend, quelle grande gueule, il parle que de lui, etc., etc. Il se prend pour le nombril du monde, c'est le king de la communication, etc. Non, vous ne tracassez pas, je partage ce que j'ai vécu, je ne me crois pas le king, il y a des gens qui font le même métier que moi dans d'autres structures beaucoup plus grandes, beaucoup plus importantes, et qui le font mieux que moi. Simplement, moi, j'ai choisi de partager avec les étudiants et d'y consacrer du temps. Et ce qu'on me paye, c'est pas grand-chose. Je ferais mieux de passer des heures de ménage en ticket service, je serais mieux rémunéré que ce qu'on me rémunère. Donc, clairement, et je suis tout à fait honnête avec vous, 300 euros par mois brut, hein, pour 18 mémoires par an, X examens, etc. au nombre d'heures que je passe, je ne suis pas gagnant. Mais je partage, et c'est mon plaisir, c'est mon bonheur, et c'est mon bonheur aussi de vous voir et d'apprendre et de voir ceux qui ont envie d'apprendre. Donc, c'est pour ça que je le fais. Mais donc, si je, on a, à l'Institut de sondage, je vous interroge à la sortie,